J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Le 14e? C'est le 14e. Numéro, un numéro. Mon chiffre préféré. C'est ton chiffre préféré? C'est faux. Nous sommes, comme à l'accoutumée, accompagnés de trois invités et du sniper qu'on peut applaudir tout de suite, Adrien Méniel. Bravo! Et Flaubert. Et moi, et bah moi là qui, là. Qui suis là. C'est le capitaine, le capitaine du bateau, du navire. Ah, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc, trois invités, comme à l'accoutumée. Nous sommes avec Luciole. Merci. Honneur aux dames. Merci. Luciole, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors du coup, moi c'est Luciole. Mon activité c'est de faire le logo de Floodcast en photo. Ah oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai ça. C'est vrai, en fait on a utilisé le nouveau logo de Floodcast. C'est une photo qu'avait pris Lorraine au Téléthon Gaming. C'est ça, tout à fait. Qui est Lorraine? Ah bah c'est Merde. Oui, c'est Lorraine, Luciole. Je pense en général les gens disent plutôt Lorraine, donc je suis désolé. Pas de problème avec ça. Et du coup, ce n'est pas vraiment mon activité principale, hein, c'était évidemment une blague. Non, je suis auteur et collaboratrice artistique, et voilà, et je travaille sur Internet. En règle générale. En règle générale, et je suis à droite à gauche. Est-ce et que, voilà. Par exemple, si tu regardes des vidéos sur YouTube, c'est considéré comme du travail sur Internet? Un petit peu, ouais. Ah, mine de rien, bah, ça fait partie de mon travail aussi, c'est de regarder ce qui se passe sur Internet. Voilà. Nous sommes également avec Aslak Lefebvre. Ouais. Bravo. Et qu'on donne les noms de famille. Il habite 3 rues Georges Pio. C'est la 8ème. Non, c'est bonsoir tout le monde. À cela que peux-tu te prêter? Il reste carré le mec. Attends, je suis concentré. Je dois préparer une bio. À cela que peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, déjà, je vois pas pourquoi ils me connaîtraient. Déjà, première chose. C'est vrai, mais c'est un peu une phrase que j'utilise. S'ils ont regardé les crédits de certaines vidéos. Exactement, j'ai un petit passif de vidéaste au studio Beagle. Comment ça se fait qu'on te connaît? Pas seulement, mais j'ai on dit les choses que là, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Donc dis-nous. Donc je vous ai rencontré au studio Beagle. Voilà, dans lequel tu étais. Où j'étais parfois, très peu souvent, pas assez probablement réalisateur, mais régulièrement monteur. Voilà. Notamment pour Bat et Gaël, les recettes pompettes et plein d'autres projets magnifiques. Exact. Plus quelques vidéos de Mister V. Exactement, et depuis tu as fait d'autres choses. Et depuis j'ai une société qui vend des légumes, ça n'a rien à voir. Et je continue les vidéos, voilà. McFly et Carlito, on peut le dire ou pas? Ouais, non, ils m'ont viré. Mais tu l'as fait. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Ouais. Après t'avoir humilié dans les crédits. Oui, je l'ai fait à 73%. Ouais. Ta bio était très complète. Bien nous plus sommes que la mienne, également hein. Avec Hakim Omiri. Oh oui. Salut. Hakim, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Ouais, moi je suis humoriste à la base et depuis quelques années maintenant je fais des vidéos sur YouTube. Exact. Que j'écris, je réalise et je joue et je monte. Tu voilà. Est-ce que tu as multicasquette, on peut utiliser ça? Voilà, j'adore les casquettes. Tu es un couteau suisse. Un laserman. Les amis, merci beaucoup. Une spork. Les amis, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Comme à la nouvelle habitude, il y a le petit jeu des informations rigolotes. Comme vous le savez, c'est le petit truc que j'ai piqué aux grosses têtes, mais que j'aime bien faire, qui me fait toujours un peu rire. Et je commence avec cet article que j'ai trouvé sur sudinfo.be. Parce qu'en fait, on m'a dit que je citais jamais les sources. Ah. Donc je vais le faire. Ce n'est que le site sudinfo.be. Voilà, je ne vais pas plus loin. Il y a un challenge qui est sorti sur Internet, qui a fait un peu polémique. Ah. Connaissez-vous ce challenge? Sachant que ce n'est pas français. Ce n'est pas c'est un challenge. Tranche de fromage dans le visage des bébés. Alors non, ça c'est. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça. Wow. Ça j'en ai entendu parler. Est-ce que ça implique des enfants? Non. J'ai c'est pas celui-là dont t'entends. J'arrête. Non, mais j'ai tripoté la bite d'un môme. Non, c'est pas c'est, effectivement, ça fait polémique. Le Michael Jackson challenge. Est-ce que c'est illégal? Ce n'est pas illégal. Est-ce que ça met sa vie en péril? C'est ce que j'allais demander. Putain. Alors ça peut, et c'est pour ça que ça a fait polémique. Mais de prime abord, on ne croirait pas. Est-ce que ça implique de la nourriture? Non. Des véhicules? Non. Des armes? Non. Les keufs? C'est le challenge où on doit se poncer le visage avec du papier de verre? Ouais. Alors non. De prime abord, on croirait que c'est plutôt safe. Pour moi. Est-ce que ça implique d'aller faire chier des gens potentiellement violents? Non. Ah, mais tu t'approches, t'es pas. C'est pas de simuler genre une agression ou un truc dans le genre. Non, ce qui serait un challenge horrible effectivement. N'attends pas. Ouais, non, c'est pas ça. Wow. Mais en fait, si tu fais chier des pas des gens, mais c'est faire chier des animaux. Des animaux. C'est faire chier une certaine. Dans les zoos. Des animaux sauvages. Non, pas des animaux, pas dans les zoos. Des insectes. Des chiens. Non. Des pigeons. Pas des pigeons. Plus gros qu'un pigeon. Ah, un aigle. C'est un oiseau. Non, c'est pas un oiseau. Les autruches. Non. Est-ce que c'est un animal domestique? Non, c'est un animal de la ferme. Une vache. Exactement. Et alors, on faisait quoi avec la vache? On lui mettait un point dans la chatte. Ah ouais. Ouais, et oui, c'est un point dans la chatte challenge. C'est comme ça qu'on les aide à accoucher. Donc. D'ailleurs, ce challenge est parfait. Je suis pas sûr, ça, Adrien. On t'a menti, Adrien. T'as vu un mauvais tuto, je pense. Non mais il est connu ce challenge. Il est connu en Autriche. D'accord. Voilà, en Autriche. Moi je vais vous le dire. Attends, on a bien cherché. C'est sexuel. Il y a des auditeurs. C'est pas vraiment sexuel. Est-ce que c'est hygiénique? Faut les embrasser. Exactement. C'est le challenge. Embrasse ta vache. Oh là là. Alors pourquoi? Non, à la base. Genre balance ton porc et embrasse ta vache. Non, je crois pas que c'est un rapport. À la base. Si, c'est. Non, à la base c'est. Les traducteurs ont fait un parallèle, c'est sûr. Oui, parce que normalement ça s'appelle. Non, à la base c'est le hashtag Kukus Challenge, comme on dit en Autriche, en autrichien, à destination d'un public germanophone en Allemagne, en Suisse et en Autriche, qui invitait donc le hashtag Kukus Challenge à embrasser des vaches, avec ou sans la langue, disait-il, pour récolter des fonds à des fins humanitaires. À la base, ça a plutôt. Donner de l'argent. Non, j'ai pas l'impression qu'en fait, juste faire un truc débile pour des fins humanitaires, c'est cool. Mais qui donne l'argent? Qui donne l'argent? Non, mais je sais pas. Alors, relayé par quelques personnalités du web de ces pays, cette initiative a été vivement désavouée. D'ailleurs, peut-être une star d'Autriche, Adrien? Je pense que c'est une vache qui a porté plainte. Trouve une star comme ça. Adolf Hitler. Oui, c'est vrai. Wow. Je pensais pas lui. Pardon, excusez-moi. Il y a toujours des choses. Mais à cela qu'on voit la première idée que t'as eue très vite. Réalisée par quelques personnalités du web, donc cette initiative a été vivement désavouée jeudi par les autorités autrichiennes qui ont mis en garde contre les risques que ce genre de pratique pouvait impliquer. Un tel challenge est réellement stupide et dangereux. A réagi la ministre de l'Agriculture, mettant en garde contre les conséquences graves qu'il pouvait avoir. Lesquelles? C'est-à-dire la maladie, l'herpès. Non, en fait, justement, ils ne connaissent pas vraiment. En fait, on ne connaît pas assez les vaches pour se permettre ce genre de challenge, en gros. C'est ce que disait la personne. Donc, je la connais pas. Non, en fait, elle n'a pas dit non. Hein. En fait, si elles sont accompagnées de leurs petits, par exemple, elles peuvent s'avérer violentes. Ouais, c'est voilà. Ça, oui. Donc, en fait, vu que c'est des gens avec le portable, ils voient une vache, ils s'approchent, ils l'embrassent. En fait, ils connaissent pas, enfin, ils savent pas dans quel cadre. Et après, s'il leur arrive du mal à ces gens, c'est peut-être une belle leçon pour eux. Non, parce qu'à la base. Non, je sais pas. Il a fallu que la ministre intervienne pour que les gens comprennent que c'est débile, c'est quand même. Ouais. Non, mais parce que justement, en fait, l'histoire. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Ça a pris un petit ampleur, et surtout, pourquoi ça réagit? Parce qu'en février, il y a un tribunal qui avait provoqué la consternation en condamnant un éleveur tyrolien à verser plusieurs centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts aux proches d'une touriste allemande, qui avait tué en 2014 par un troupeau de vaches allaitantes qu'elle avait tenté de traverser avec son chien. Wow. Donc en fait, ils n'arrivent pas trop à gérer leurs vaches, donc ils sont un peu genre. Il préfère prévenir que guérir. Mais attends, c'est le mec qui a payé parce qu'il y a une gogole qui a traversé son troubeau. C'est ça, en tout cas, c'est ça. Ah, et c'est coup, logique. Ça avait provoqué un tollé en Autriche, autant te le dire. Nouvelle information. Je te jure. Okay. C'est un Américain qui a suivi un régime spécial et qui a perdu 20 kilos en 40 jours. Sachant que c'est un régime un petit peu particulier. Il a ingéré un verre solitaire. Ouais, alors ce n'est pas un verre solitaire. C'est ingéré un truc chelou qui reste dans ton organisme ou pas? Non. Est-ce que c'est un seul aliment qu'il a consommé de manière quotidienne? De l'eau du Gange. Ultra chiasse pendant 20 jours. Est-ce que c'est liquide? C'est liquide. Bah des jus. Est-ce que c'est chelou? C'est pas si chelou. Est-ce que c'est un Fait que se nourrir que de liquide est un peu chelou. Ouais. C'est un jus particulier? Non. Des jus? Non. De des l'eau? Jus de l'eau? Non, c'est pas là. C'est un peu décevant quand même. De l'aspégique? Pas de jus, pas d'eau? Pas de jus, pas d'eau. De lait? Non. Hein? Ah, oui, ok. Il reste quoi? Il y a pas mille liquides. De l'alcool? La bière. De la bière, exactement. De la Doppelbock, pour être tout à fait précis. Il a perdu 20 kilos? Ouais, à 40 ans, il a voulu se lancer un défi. Cet Américain, directeur des ventes de la brasserie 50 West Brewing Company à Cincinnati, s'est donc inspiré d'une tradition allemande du 17e siècle et parfaitement en adéquation avec son domaine. Quand on étudie l'histoire de la Doppelbock, bière allemande de fermentation haute ou basse, brassée essentiellement en Bavière pour la période du carême. C'est de la pub, ça. Respire. On est financé par l'alcool. Vous apprenez que les moines ont inventé ce type de bière pour les aider lors de cette période. En 1654, ils ont décidé de renoncer à tous les aliments solides et de se contenter de la bière. Alors j'ai juste décidé de faire tu comme eux. Tu m'étonnes qu'ils étaient nombreux, les gars. C'est ça. Ah, pour... Je crois pas trop au truc, mais file. Allez, go, go. Franchement, c'est le genre de régime plutôt cool. On ne bosse pas ? Eh ben, c'est parti. Du coup, Hakim, tu m'as menti tout à l'heure. Hein. Tu m'as dit que la bière faisait grossir. C'est faux. Visiblement. Non, mais attends. Non, parce que là. En antenne, oui. Non, c'est parce qu'il mangeait rien, en fait, le gars. Non, mais, oui, là, ça, oui. Non, mais en plus, là, le mec. Dit ah oh bah j'ai bu que de la bière, j'ai perdu 20 kilos, et le mec il est vendeur de bière apparemment. Oui bah oui, et on dit pas de ouf en fait, il a fait un régime et il fait croire que c'est grâce à la bière, et il a effectivement, enfin vous imaginez bien, fait suivre tout ce challenge sur YouTube en mettant jour après jour avec le gros logo derrière. Surtout pour, bon, pour perdre 20 kilos faut les avoir déjà, donc je pense qu'il partait de très haut. Bah il partait de j'ai pas lu, il perdre 20 kilos en 40 jours, c'est énorme. Il est à moins 10. Non mais effectivement c'est ce n'est pas scientifiquement prouvé que ça fonctionne. Préférer dire un scientifique. Mais il doit être constamment bourré surtout. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a niqué son foie. C'est sûr, et ils en parlent pas. Comment il arrive à tourner des vidéos YouTube dans un état? Une équipe se fait aider. Oui oui, c'est ça. C'est comme les respirianistes qui disent qu'ils s'alimentent d'air. Ah ouais, c'est juste des menteurs, ça fait. Non, mais, mais il explique qu'effectivement il en a gardé des séquelles, puisqu'il lui a fallu 5 à 6 jours avant d'être capable de manger de nouveau ce qu'il voulait. C'est-à-dire que son organisme rejetait la nourriture. Des bretzels. Légitime. Hein. Voilà. Mais par contre, certains scientifiques s'attardent à dire que la bière, si elle est consommée de manière raisonnable et modérée, peut jouer un rôle bénéfique si elle est coupée à une alimentation saine et variée. Bah, dès qu'on dit ça, de toute façon, tu peux pas te tromper en fait. Ouais, c'est des séquelles partout ailleurs, mais juste vous consommez ça, c'est bon, oui. Et du coup, si tu le consommes pas, c'est encore mieux. Mais voilà, effectivement, on vous le déconseille. Hein. Et l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Hein. Consommez avec modération. Je le connais pas, modération, mais j'aimerais bien le rencontrer, hein, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai voulu être mon père l'espace de 10 secondes, j'ai détesté. Pas assez raciste. Il est arrivé une sale histoire à un couple qui était dans un pays que j'aimerais retrouver si je travaillais un petit peu plus mon émission, mais Suisse, je l'ai pas. C'est la Suisse. Disons la Suisse. C'est un couple en Suisse. Il leur est arrivé une sale histoire. Pouvez-vous imaginer laquelle? Ah oui, ouais, aussi c'est vague que vague, ça. Grave. Ouais, c'est très vague. Est-ce que c'est un rapport avec un logement de location? Non. Est-ce que c'était avec un véhicule? Non. Est-ce qu'ils étaient en vacances? Non. C'est une histoire qu'ils ont vécue qu'à deux. C'est une histoire qu'ils ont vécue avec une tierce personne. Je suis fort pour les questions. Ils sont faits, t'es très bon. En vrai, t'es très bon. Est-ce que c'est sexuel? C'est sexuel, imagine. Voilà. D'ailleurs, je vais parler comme ça maintenant. Ils ont voulu faire un plan à trois? Oh, pas du tout. Je pense qu'elle pensait coucher avec son mec et elle a découvert qu'elle couchait avec un autre gars. Alors non, c'est pas ça. Est-ce que tout le monde était consentant? Tout le monde était consentant. Très bien. Est-ce que ça s'est fait via une application ou un truc? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu consommation d'actes sexuels? Il y a eu consommation d'actes sexuels. Est-ce que le mec a bu de la bière pendant 30 jours? Et il a pissé et sur le femme. Pas du tout. Wow, il a pissé sur deux femmes. Non. Parce qu'ils étaient trois, non? Est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Oui. Okay. Ah, il y a une histoire de frères et sœurs chez ouais, nous? J'ai l'impression. Genre de la même famille? Est-ce qu'il y a de l'inceste? C'est pas, pas d'inceste, pas de frères et sœurs, mais de la même famille. Cousin. Une cousinade. Non. Une cousine. Une cousinade. Des parents. Est-ce qu'on peut faire la définition d'une cousinade? Non. Bah c'est avec l'oncle ou la tante? Non. Parents, les parents? Il a. Avec un parent. Mais non. Wow. Il a fait un plan 3 avec son rep. Je vais vous raconter l'histoire. Attends, ils ont baisé. Ils ont non, fait non, une... mais tu y es. Hein, enfin, on y est. Je vais, je vais te raconter l'histoire. Wow. Alors, c'est un plan 3. Julie, nom d'emprunt, à 20 ans, et son petit copain à 21 ans. Elle pensait être seule chez son petit ami lorsqu'ils avaient un rapport sexuel. Mais tout à coup, le père de celui-ci est entré dans la chambre. Nous étions en plein milieu de la partie. Alors, De Scrabble. Oui, voilà, ils disent partie, en fait c'est baiser. Hein, d'accord, c'est d'accord. Ah, j'avais pas compris moi. Une partie de jambes en l'air. C'est de jambes en l'air. Bah ouais, c'est une info, hein, c'est filmé. Moi je décrochais là, je disais attends, il joue à la plaie. Nous c'est pas étions, très clair. Lorsque son père est entré soudainement. Cela nous a effrayés, on a eu la peur de notre vie, raconte-t-elle. La maison était silencieuse, alors elle est descendue. Mais le père attendait dans la cuisine. Il s'est approché de moi, a mis ses bras autour et a commencé à m'embrasser. Il m'a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi excité qu'il m'ait vu au lit, que j'avais le plus beau corps qu'il ait jamais vu. Mais c'est ignoble. C'est horrible. Est-ce qu'on peut laisser les détails intéressants, s'il vous plaît? Attendez. Attendez, on va entendre le mensonge du père pour justifier cette blague. Je suis atteint d'une myopie vénère. Non. Il m'a encore embrassé et je n'ai pas résisté. Nous avons fini par avoir des relations sexuelles. J'aime mon petit ami, mais je ne peux pas nier que son père. Je ne peux pas nier ce que son père me fait ressentir. Mon ami a dû partir au travail une heure plus tard, mais je suis resté et j'ai pris une douche. Julie se sentit un peu coupable et sait que ça ne peut pas continuer avec son petit copain actuel. Donc c'est pas un plan à trois. Mais tout le monde n'était pas consentant. Bah si. Le petit ami, on espère. Il a écrit une lettre où il dit bah, c'est go, c'est ok pour moi. Alors attends. J'espère qu'il écoute ce podcast. On l'embrasse. Un truc. Il baisait, le daron est arrivé. Le père rentrait et fait oh pardon les jeunes, je rentre. Et après elle est descendue. Et après un peu plus tard, elle a eu envie de se servir un petit verre d'eau. Okay. Et le mec qui était là. Il fait oh écoute, il a éteint vendredi tout permis. Il fait ah, tant que t'es là. J'ai une énorme goal. J'ai une goal dure. Et il lui a fait une petite déclaration d'amour et elle a pas pu. Le pire daron du monde. Bah, moi c'est ça, c'est quand elle a dû. Quand elle a dit le mien. C'est dire. Non mais quand elle a dû dire écoute, je te quitte. Il fait mais pourquoi ça se passait trop bien. Il fait écoute. J'ai peut-être sucé ton père. L'histoire ne le dit pas. Waouh! Non, mais effectivement, le repas de Noël derrière a dû être un peu. Voilà, c'est quoi, il y a quelqu'un d'autre? Ton père. Je le connais. Et bien, pars vite. C'est vrai que comme ça, on dirait un peu un scénario de porno. Bon, on est sur Radio Sex, là, complètement. On est un peu là. Du coup, son père, il peut quand même le punir pour pas sortir avec sa meuf. Fait bon, écoute, ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a un truc où ils peuvent parler de ça. C'est fou. Oui, oui. Après, et aussi, son fils. Parce que l'histoire ne le dit pas, ça se trouve, ils ont quand ils se débriefé, tu penses. Quand ils ont reçu des délires. Quand ils se disputent, tu peux dire j'ai ken ta meuf, par contre. Hey, tu feras ce que tu veux quand tu quitteras le toit. Pour le moment, j'ai ken ta meuf, d'accord. C'est un peu Indiana Jones, c'est son père dans Indiana Jones 3. Sauf que. Il y a un peu plus de temps entre. Dans Indiana Jones, il y a quelques mois, là il y a une petite heure. Bon, voilà. Il y a ça dans Indiana Jones, j'ai jamais vu Indiana Jones. La dernière croisade, En gros, c'est juste qu'il couche avec la même meuf, Isla, la méchante, il fait mais comment tu le sais? Et il fait elle parle en dormant. Et du coup, il comprend que son père s'est tapé la même meuf que lui. Mais c'est dans l'autre sens. Le père a d'abord consommé. C'est plus sympa. Oui, puis il y a moins le côté. C'est plus sympa dans cet ordre-là. On peut partager des copines avec son père. Et puis la meuf est nazie, donc de toute façon ça gâche déjà un peu. Spoiler. Oui, c'est vrai. Voilà, tu peux spoiler un film quand. Non, je le verrai jamais. C'est pas grave. Maintenant, je connais le pitch. T'as posé des questions. Alors, Indiana Jones 3 ne se résume pas à un père et un fils qui baisent la même meuf. Il y a d'autres. Je suis très déçu quand même. La majeure partie du film. Il branle Hitler à un moment. Enfin, je sais que dans le synopsis, c'est dit quand même. Il y a une activité d'un parc en Espagne qui a été fermé. Un parc d'attractions. Ouais. C'est où en Espagne? Est-ce que je peux avoir le... À Estepona. C'est poignard d'un taureau dans la nuque. c'est peut-être des corridas, non? Non, pas des corridas. C'est un parc d'attractions, hein, genre... C'est pas vraiment un parc d'attractions, c'est plutôt un parc. Est-ce qu'il y avait des animaux? Non, pas d'animaux. C'est un parc où les enfants jouent Oui, c'est ça. Il y a des toboggans, une montagne russe sans... Le mot a été dit. Toboggan? C'est un toboggan, tu as trouvé très vite. Qui tombe dans de la merde. dans de la lave. Non, c'est un toboggan en fait qui est très exigu avec des virages un peu vénères. C'est le plus rapide du monde ou un truc comme ça. Il y a eu des accidents, les gens ont été éjectés. C'est ça, en fait, il n'a pas de spécificité, il n'a jamais été présenté comme le plus quelque chose du monde. Mais le fait est que des gens sont filmés et. Les gens se blessent vraiment extrêmement violemment. Wow. Après seulement quelques heures d'ouverture, un toboggan extérieur en Espagne a dû être fermé au public. Sur la côte près de Marbella, il permettait aux usagers de gagner beaucoup de temps pour aller d'une rue à l'autre. Donc en fait, c'était même pas pour jouer, c'était censé être un espèce de raccourci plutôt que de descendre des escaliers. C'est comme dans Futurama, ils se déplacent comme ça avec exactement. Tu passes au-dessus de l'autoroute et bon, les gens tombaient sur l'autoroute. Problème, l'installation était beaucoup trop dangereuse au vu de la vitesse à laquelle elle projetait ceux qui l'empruntaient. Plusieurs personnes se sont blessées en l'utilisant, notamment en se brûlant au fesses et aux bras en tentant de se ralentir en voyant les vidéos de gens propulsés à toute vitesse dans ce toboggan vertical et ultra rapide. Un homme a commenté avec ironie: à Estepona, on vient de légaliser l'euthanasie. C'est super drôle. Je vous invite à... Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la ville a d'abord commencé à dire non, mais c'est des incidents isolés, et vraiment une heure après, fait bon, on le ferme définitivement. Ça a duré une heure, ce toboggan. C'est ça. Il a duré quelques heures. Le raccourci de 38 mètres de long était interdit d'utilisation. Non, 12 heures après. Ça a duré. Attends, 12 heures. 38 mètres ça de long. Très récent. 38 mètres de long. Ouais, mais si la côte est. Ouais, vraiment. Vous verrez, vous pourrez taper toboggan Estepona sur Google. Je vais totalement le faire. Et vous verrez, la violence du truc. L'idée de base. Je le note. Moi j'aime bien. On dirait vraiment un truc d'enfant. Oui, mais ouais, c'est ça. Pour aller plus vite, c'est un toboggan. Je suis d'accord. Ça sonne un peu comme ça. J'ai fait du toboggan pour descendre de la muraille de Chine. C'était un raccourci. C'est vrai. Véridique. Ça existe. Ouais. Non mais on est d'accord que de toute façon, même s'il l'avait pas fermé. Au bout du deuxième jour, quelqu'un pissait dans le toboggan et c'était terminé, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va en... Surtout en Espagne. C'est obligé qu'il y a des gens qui vont dire: ah, vas-y, je pisse sur le toboggan, et il est plein de pisse et tu l'utilises plus, c'est terminé. C'est quoi. Le cas ça peut être le cas aussi de toboggan dans les parcs pour enfants. Bah, ouais. Mais c'est plus rapide à nettoyer. Non, c'était dans la rue. Là, un truc qui fait 38 mètres, quoi. Pour le nettoyer, ça n'a pas la même limonade que. Oui. Enfin, oui. C'est sûr qu'au bout de deux jours, c'est terminé. Il y a des mecs qui vont. Il y a des mecs qui vivent dedans, vraiment. Ouais, il y a qui vont renverser des trucs dedans. Il va être dégueulasse. Tu mets du caramel et du papier de verre. Non, mais en vrai, tu vois, très vite, je pense des skateurs auraient commencé à dire: bon, bah vas-y, on le ride et tout. Ils se seraient vraiment fait très très mal, je pense. C'est vrai qu'ils font ça, les skateurs. Ils se réveillent, ils font: on va rider ça. On va rider un toboggan géant. Et après, ils arrêtent. Bah, ils décèdent, tout simplement. Un homme de 32 ans. Lui est arrivé un petit accident récemment. Saurez-vous imaginer lequel? Est-ce qu'il a survécu? Il a survécu, mais ça a été. Il est encore sous surveillance des médecins, là. Véhicule? Pas véhicule. C'est une chute? Ce n'est pas une chute. Ça se passe aux États-Unis. C'est chez lui? Dans la ville de Lincoln. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Non, c'est pas chez lui. C'est dans un. C'était dans la rue. Ok, dans la rue. Il s'est pris un objet sur la tête? Non. Il est rentré dans quelque chose? Il n'est pas rentré dans quelque chose. Il est tombé dans quelque chose? Il n'est pas tombé dans quelque chose. Il a rencontré quelqu'un? Il n'a pas rencontré quelqu'un, il s'est fait un truc tout seul. C'est d'accord. Vraiment une petite entorse. Ouais, et l'histoire est pas ouf, hein, du coup. Ouais. C'est vraiment trébuché sur le trottoir qui était vraiment pas bien. Ah, c'est mal foutu, hein, ouais. Les trottoirs des États-Unis. Non, pas du tout. Il a pris un coup de soleil. Non. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Ouais, voilà. La pluie? Non, pas la. Est-ce que ça implique une autre personne? Non, c'est vraiment fait tout seul comme un abruti. Il aurait pu avoir cet accident n'importe où. Il aurait pu avoir cet accident n'importe où. Il s'est étranglé? Non, il s'est coincé quelque chose, une partie de son corps dans une fermeture éclair. Oh, comme dans Marie à tout prix? Non, ouais. Pas du tout. Est-ce que ça implique un téléphone portable? Non. Je rappelle le pays, c'est les États-Unis. Il a mangé des burgers? J'allais le dire. Et alors? Il y a Trump? Il y a un food truck qui est arrivé. Non, il n'y a pas de véhicule. Une arme? Il s'est pas étouffé avec quelque chose? Ah, non. Oui, j'avoue, un une pistolet. Aslak a mis le doigt sur quelque chose. Un pistolet. Un pistolet. Ouais. Il s'est tiré dessus? Ouais, ce que j'allais dire. Il a mis son flingue dans sa ceinture? Mmh. Et là, il s'est tiré dans les couilles. Alors, t'es vraiment à côté, je vais te l'offrir. C'est la cuisse, la fémorale. Non, c'est bien la bite, rassurez-vous. Est-ce qu'il a fait tourner son flingue et le coup est parti dans sa bite? Il l'a fait tomber par terre, vraiment sur calibre 22, et tombé de sa poche. Ça a percuté le sol, ce qui a déclenché le feu directement sur le pénis de la victime. Ouais, ça m'est arrivé trois fois, personne n'en parle. Comme dans 22 Jump Street, quoi. Enfin, 21 Jump Street. Oui, ouais, le mec se fait tirer dans la bite, quoi. Ah bon? Exactement. Ouais. On spoil des films ce soir. C'est pas un gros spoil. Mais il a été inculpé parce qu'en vrai, il avait un. En fait, c'est vraiment le karma parce qu'il avait un petit casier judiciaire un peu vénère. Et donc, du coup, on lui a dit: il n'avait pas le droit d'avoir cette arme? Normalement, non. Parce qu'il avait commis des crimes, et aux États-Unis, on a le droit d'avoir des armes, mais quand t'as commis des crimes, normalement, on te le retire. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord, oui, c'est. Putain, non seulement il a plus de couilles, mais en plus, il va en prison parce qu'il s'est tiré dessus. Les gars, franchement, la prison, on peut dire que je suis puni. Peut-être qu'on peut dire que je suis puni. Ça se vaut. Un film pornographique, parce que dans toutes les émissions on parle un peu de porno, de culture, a été tourné. Il a une petite originalité. Saurez-vous savoir connaître? Attends, j'arrive plus. Un jeu vidéo qui vient de sortir? Non, un porno. Oui. Pardon, c'est tout ce que je disais. Vraiment très naïf. Non, une partie de PlayStation. Non, un porno a été tourné dans un endroit insolite pour la première fois. Ça n'arrive jamais. Sous l'eau. Non. En apesanteur. Dans une école maternelle. Avec Calogero, tu veux dire? Absolument. Non, pas du tout. Face à la mer. Dans un ascenseur. Non plus. Non plus. Dans le vide, genre un chute libre ou un truc comme ça. Il vient de balancer une bouteille sur Aslak. Non, pas en chute libre. Sur un toboggan. Pas sur ce toboggan en Espagne. Un lieu, une église. Non. Dans c'est... une distillerie. Tu l'as cherché de tellement loin. Est-ce que c'est un lieu connu? Pas du tout. Donc c'est un lieu qui est insolite par sa c'est nature. Par sa nature. Ok, c'est un rapport avec PNL? Non, pas du tout. Mais je vous rappelle qu'en revanche, dans ce podcast, nous sommes ODD. Hein. Est-ce que c'est un véhicule? C'est un véhicule. Un discobus. Qui est pour moi la pire invention jamais faite. J'ai vu pire que ça. J'ai vu. Les burgerbus là? Alors il y a eu les burgerbus, mais j'ai vu les gourmetbus. C'est-à-dire que c'est vraiment un resto gourmet. Oui. Genre avec du foie gras, c'est très cher, sauf que c'est dans un putain de bus. Donc ce qui est vraiment, je comprends pas. Oui, mais là pour le coup c'est folklorique parce que les mecs prennent jamais le bus. Oui voilà c'est ça. C'est alors c'est donc ça leur vie. C'est génial, c'est ils ouvrent un métro mais avec un wagon bar. Alors bah on s'acoquine un petit peu, bon bah voilà. Mais c'est dans un véhicule donc là vous êtes plus très loin. Un aéroglisseur. Non. Trottinette. J'allais dire. Une line. Ah c'est sur l'eau. Non, c'est pas sur l'eau. Dans l'air? C'est pas dans l'air. Ça roule donc. Ça roule. Un dragster? Pas un dragster. Un train? Non. Donc c'est un truc voiture, genre ouais, voiture. Ouais, mais particulière. Ah, une voiture hybride? Non. Une Tesla. T'as dit quoi? Ah une Tesla. Ouais, une Tesla, si, je crois que j'ai vu le truc. Une Tesla en pilotage automatique. Et exactement, wow. Si, j'ai vu l'info. Tu l'as vu passer? Bah ouais. Trop marrant. Un coup, je suis vraiment efficace, génial, t'as vu? Parce que j'avais l'info. Et bien tu l'as confondu avec toutes les vidéos porno que t'as pu voir, un peu insolite. Tellement facile de faire du porno en fait. Dès qu'il y a un nouveau truc, tu fais. Bah on baise à côté. La vidéo de 9 minutes connaît un réel succès sur. Alors j'aime bien ce qu'ils ont appelé ça Porno Hub. Genre on a fait une faute, on connaît tellement pas. Donc sur Porno Hub évidemment, j'étais en road trip avec mon petit ami et il m'a demandé de faire l'amour avec lui pendant que nous conduisions, raconte Taylor au régisseur. Ni une ni deux, le couple s'est exécuté joyeusement, la Tesla assurant la conduite. C'est une première expérience réussie, les deux amants décident de remettre le couvert, mais pour pimenter la chose, ils se filment en plein ébat. Taylor a l'idée de poster la petite vidéo sur le vidéo porno, sur le site porno Pornhub. En deux jours, le clip avait été consulté par 2 millions de personnes. Ouais, mais c'est parce que les gens s'intéressent à la voiture. Hein. Ouais. Sauf que, quand même, petit accident, le pilotage automatique de la Tesla s'est désenclenché car Taylor a heurté le volant et désactivé le mode autopilote. Aïe. Je ne le recommande pas. Parce que c'est dangereux. Et bah, oui. Et bah vraiment, t'as failli crever. Oui, vraiment, ouais. Mais j'aimerais vraiment le voir dans la vidéo. Voir en mots, il tait, où il tape le truc. Ouais, c'est genre, ça, ouais. La voiture qui va sur le côté. Donc voilà, porno dans un Tesla, tout simplement. Eh ben. Moi, je vous avoue que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, cette info, et j'aurais aimé voir vite fait la vidéo quand même avant de vous le. J'ai vu qu'une image, moi. Bah là, sur ouais, Twitter. Mais là, Pornhub, en fait, ils font toutes leurs promos autour de ça, ils le foutent sur Twitter. Ah, parce que les sites porno font de la promo aussi. Ouais. Ils ont besoin au cas où. Avez-vous vu la dernière vidéo? Est-ce qu'il y a des teasers? Ouais. Non, mais il y a des. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, tu rigoles, mais il y a toute une industrie. Pornhub, genre, ils ont vraiment tout un délire autour. Ils avaient fait une. Comment? Un appel à projet pour trouver le bon slogan de leur de leur site et il y avait plein de gens qui avaient vraiment enfin c'est vraiment quand t'as pas d'idée quoi. Non, il y avait plein de gens qui avaient participé. On n'a pas d'idée, vous pourriez le faire. Voilà. Et du coup ils ont gardé oui, c'est quoi qu'il y a beaucoup de alors je le cherche un peu en même ça va se permettre ils ont ah, ouais, au final les gens ont pas beaucoup d'originalité. Le concours de publicité pendant parce qu'on gagnant excusez-moi je le cherche en même temps. Enfin c'est abusé. La solitude n'a jamais été si plaisante. Pas mal. Voilà. Oh non, c'est nul. Ah bah j'ai envie de me branler là. Il y a quand même le mot solitude dans oui, votre c'est truc. C'est il y avait également all you need. Être un loser. Alors les puceaux, on se branle. Être un loser, c'est cool. All you need is hand. Il y avait aussi. Nul. Mais il n'y a aucune vanne, il n'y a rien. Et après, ils ont fait tout un. Non, en vrai, je vous conseille l'article BuzzFeed. Il y a plein de gens qui ont fait des petits des ils posters. Auraient pu dire, come as you are. Évidemment. Wow. Non, c'était bien, en vrai, c'est bien. On va prendre la chanson de Nirvana, ouais. Ouais. Bah, ça me fait pas marrer, moi. Do it yourself. Je te rappelle. Do it yourself. Et il y avait aussi une affiche avec écrit You know the difference et la souris est de chaque côté. Genre les droitiers, les gauchers quand ils se branlent. Oh. Ah, il fallait faire un dessin en plus du slogan. Ouais, ouais, il fallait faire une lettre de motivation de 4 pages, avoir un dossier complet. Enfin, non, c'était assez fou. Les amis, lorsque je vous ai demandé quel thème nous pourrions aborder tous ensemble. Les thèmes des petits boulots est revenu. Alors on l'a déjà fait hein, dans Floodcast. Donc Adrien et moi on n'aura peut-être pas grand chose à dire. Mais je sais que les invités autour de la table ont 2-3 anecdotes. J'ai envie de commencer avec Luciole. Ça te va ou pas? Bah avec grand plaisir. Qu'est-ce que t'as fait toi? Donc toi aujourd'hui t'es auteur. Oui. Je ne ferai pas l'affront de demander ton âge, mais à partir de, t'as fait pendant combien d'années Je viens d'avoir 24 ans. Donc pendant combien d'années t'as fait des petits boulots avant de pouvoir faire un truc qui un peu peut-être que tes petits boulots te plaisaient, mais en tout cas un truc en rapport avec internet, l'écriture, tout ça. J'ai commencé à travailler très jeune, vers 16 ans, et j'ai pas fait d'études parce que enfin j'en ai fait un petit peu, mais je l'ai payé en même temps, enfin c'était compliqué. Et du coup j'ai juste continué à faire des petits boulots pendant de mes 16 à mes 19 à peu près. D'accord. Donc ça c'était que des petits boulots pour vivre. Enfin j'étais en foyer, donc du coup c'était pour payer genre les... Tu pourrais rajouter une musique triste. Ouais, ouais, ouais, ouais, non, mais c'est pas triste du tout, mais voilà, du coup c'était genre des petits boulots, mais du coup je les enchaînais de ouf. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Waouh, j'en ai eu beaucoup. Alors j'ai fait... donc ça c'est un truc que je faisais de temps en temps, c'est-à-dire que c'est hôtesse d'accueil. D'accord. Donc si on t'envoie un message pour que tu bosses là-bas de temps en temps. Donc, hôtesse d'accueil, mais du coup ouais. Oui, ça. Hôtesse c'est d'accueil, pour, c'est tu vas dans des réceptions, tu fais la potiche quoi. Vraiment, c'est tu ça. Tu regardes les d'accueil. Noms sur la liste, oui. Ah, oui, c'est ça. Mettre, tu parles. Ouais, salut, ça va vous c'est, ouais. Pouvez mettre parles, manteau tu là. Tu parles si t'es au vestiaire et que tu fais ouais, voilà, genre voilà, c'est ça. C'est le vestiaire quoi dans les événements. D'accord. Sinon serveuse, j'ai fait aussi de la vente. J'ai été dans les, enfin je vendais des pommes, c'était des trucs de dégustation, donc j'allais dans les tu dans vendais les supermarchés, des pommes, ouais. comme Chirac en ça, fait petite référence un peu vieille, j'allais dans les supermarchés, je faisais des dégustations, des trucs comme ça, ce genre de choses, que des quoi, pommes ouais que des pommes, enfin je bossais pour une marque de pommes et je faisais ça. Putain, c'est tellement drôle, vous connaissez les pommes? Non, mais exactement, c'était en fait c'était des pommes éco-responsables. Putain, mais c'est génial. Ah oui, je vendais comme ça. Oui, voilà, c'était pas des pommes bio, c'était encore plus, donc c'était des pommes qui ressemblaient à rien parce que c'était des trucs qui étaient vraiment cueillis. C'était des pruneaux. C'était totalement donc les gens ne voulaient pas les acheter, donc il fallait quelqu'un pour les faire goûter parce que ah oui, d'accord, fallait oui, en fait fallait les forcer en fait. C'est ça, voilà. Ouais, j'agressais les gens dans les rayons, j'arrivais et je leur mettais l'assiette comme ça et il fallait que je vende tel nombre de trucs et c'est après j'ai été aussi je travaillais de nuit. Juste moi je te coupe, à tel nombre de trucs genre tu devais avoir un rendu de ouais, de je devais faire 8 cajots par jour, ce qui était super dur. C'est énorme. Mais ouais, du coup, ouais, je douillais les gens, j'avais pas le choix, sinon je me faisais virer. Donc, comment quand quelqu'un arrivait, bah, il disait ouais, je vais faire une tarte aux pommes, et genre, c'est ouais, il vous faut 8 cajots. 2 cajots, tu sais, genre, je racontais n'importe quoi alors. Ah, j'adore le mot cajot. Ouais, c'est ça. Mais ah ouais, non, mais j'ai douillé pour pouvoir vendre plus loin. Et je calais aussi les pommes, je les casais dans un cajot comme ça pour faire genre, il y en avait un de vide. Et j'avais mes petites astuces comme ça. Et est-ce que genre, t'avais des horaires? Oui. Et est-ce que genre si t'as vendu tous tes cajots à 14h tu peux te barrer ou non tu dois non, finir non, à 19h? Non, tu finis et après putain, c'est juste du bonus quoi. C'est vraiment quoi. De la merde de A à Z. Ouais, c'était vraiment de la merde. Des bons souvenirs ou pas? Non, pas du tout, mais je me suis vite fait virer de ce truc là. Okay. Ah, tu t'es fait virer? Ouais, t'arrives à te faire virer quand même. Merde. Ouais, je me suis fait virer deux fois et un autre job, j'étais deux en... fois je travaillais j'étais la nuit pareil, je vais pas dire le nom, c'était dans un truc de bricolage et ouais, et genre je déchargeais des cartons. C'était un monsieur. Un truc genre un casteau quelque chose, enfin bref. Et je déchargeais les camions à 4h du matin et ça pareil, je me suis fait virer au bout d'un mois. Parce que tu venais à 16h. Et relou. Non, parce que je venais en général, je venais de soirée, tu vois ce que je veux dire. Ah, t'enchaînais? Ouais, j'enchaînais. Ah, génial. Bah, t'arrivais oui, très ouais, maquille. Fast, non, mais on... fast life, tu vois. Et non, mais j'arrivais. Le whisky, cette commode. Mais en vrai, mais c'est. Qui a gerbé c'est sur cette l'armoire. Anecdote, c'est cette anecdote qui, que je voulais raconter. Oh, bah vas-y, non, fait, pardon, d'arriver, pardon. D'arriver complètement bourré, en fait. T'es arrivé bourré au travail? Bah ouais, enfin, alors bourré, non, ça va. J'étais, ouais, quand même. Attends, c'était mineur? Et non, j'avais. Non. T'as pas le droit de boire de l'alcool quand t'es mineur. Hein. J'avais 18 ans. Ouais, ouais, non, mais sinon. J'avais 18, c'est ouais, faux, j'avais 17. C'est une incohérence. Non, non, quoi, en vrai, j'avais 18 parce que c'était un CDD, donc. Ok, c'est légal. Voilà. Et, et du coup, je revenais du coup de soirée, évidemment. Et je commençais. Alors, c'était 4h du matin, mais je devais arriver un petit peu avant pour badger, bien etc. Sûr. Prendre un petit truc, mettre masque. J'avais une combinaison de chantier, enfin, avec les chaussures, nanan. Bref. Ah ouais, vous sur sécu, ouais. Ouais, c'était vraiment les. Tous ouais, les je trucs. Connais la sécu, ouais. Ouais, bah tu tu connais les chaussures qui pèsent 20 kilos ouais, à chaque pied. Donc du coup, j'arrivais et je suis arrivé direct de soirée et tous mes potes, ils m'ont dit non mais va pas au boulot, tu dis que t'es malade. Je fais mais non, je vais gérer de ouf. C'est faux, vraiment, c'est spoiler pour la fin de l'histoire, c'est faux, j'ai vraiment pas rajouter un B à la gerbée de ouf. Exactement, oh. Non, même pas. Mais par contre, en fait, je suis arrivé et donc je fais mon truc et j'étais toute seule. En fait, j'avais juste un collègue à mon rayon, enfin à mon étage, ouais, et on avait chacun des rayons dont on s'occupait. Et du coup, mon collègue, bon, il s'en foutait, quoi. Il faisait son truc de son côté. Donc, moi, j'arrive un peu toute seule, je m'installe dans mon rayon, etc. Mais c'est physique en plus, un et peu comme oui, taf. Ouais, bien ouais, sûr. Ça, en fait, ouais, tu ramènes les cartons et tu les vides. Donc, c'était putain, un étalage. Moi, j'étais à l'électricité. Et du coup, j'allais déballer les ampoules, les câbles, les néons, les trucs comme ça. Ça, enfin, c'est je enrichissant. Mettais, tu vois. Et ah, c'était si peu intéressant. Et du coup, je rangeais les trucs. Et il y a un moment où je décroche, quoi, parce que bah voilà, je venais de boire. Et il était. À ce moment-là, il était 5h, je crois. Et en fait, à 5h du matin, ce qui se passe dans les rayons de bricolage, c'est qu'ils allument l'électricité il y a la musique qui se lance et surtout il y a les petits écrans. Il y a des vampires. Wow. Les petits écrans d'explication, oui. Vous voyez dans les rayons de bricolage. Ah, bien sûr. Genre Swift, le tournevis. Oui, voilà. Et là, ça te donne envie de dégueuler. Ils s'allument en tête de gondole. Donc, ouais, tout s'y allume, donc moi je suis en train de faire mon truc et j'étais habitué, mais quand t'as bu, c'est plus bruyant bizarrement. Ah, c'est les gens qui jouent mal en doublant, voilà, des Américains. Donc tout qui s'allume avec clou clou, le marteau, super. Ah, donc tout ça qui n'arrive déclenche pas à coller, il faudrait trouver quelque chose. C'est clou, exactement clou, ça en fond sonore avec le truc. Et je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Je me dis, bon, il y a peut-être un moyen de les couper. Ah ouais. Les clients ils arrivent à 9h et encore à 9h c'est les mecs de chantier qui viennent acheter 2-3 trucs. Mmh. Donc il y a personne qui vient, donc je fais bah vas-y, je vais pas en attendant. Enfin, il y a quand même 4h, je vais les couper, ça se trouve je peux le faire. Donc j'essaie de. Rien ne. Chaque fois qu'on a une idée qui commence par ça se trouve je peux le faire, ouais, c'est ça. Non, c'est non, vraiment, faut oublier. C'est vraiment... Donc du coup je fais mon truc, j'essaie de débrancher et tout. Donc déjà ça. Enfin, voilà, on voit tripoter les trucs et tout. J'essaye de désactiver sur les qui, côtés. Qui le, parce qu'il y a des caméras de surveillance. Aïe, aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, genre. Ça donne un indice pour la fin. Exactement. Ton licenciement. Exactement. De comment je me suis fait licencier, ça, voilà, c'est un petit indice. Donc, du coup, voilà, je commence à toucher les trucs. Je vois que j'arrive pas à les couper parce que c'est faut les arracher carrément. Donc, je pense pas grave. Et il y a un moment où mon cerveau, il fait, tu sais quoi, bye. Et je m'assois par terre dans le rayon. Et je commence à genre jouer avec un espèce de petit comment dire, vous savez les papiers bulles là, ouais, vous voyez, mais genre les gros papiers bulles, ouais, vraiment, ouais, énormes, ouais, où tu fais pas, voilà, ouais. Et je m'assois et je joue avec ça pendant une heure. Une heure, ouais, waouh, une bonne heure même, hein. Sauf que vu que j'avais bu, pour t'as moi c'était énorme papier bulle, pour moi c'était 10 minutes quoi, tu vois, et j'étais là, je jouais avec les cartons, je commence à la limite faire des sculptures, enfin vraiment, mais l'enfant assis au plein milieu du rayon, et je là, fais mon truc, c'est la fin de la journée, ouais, c'est, c'est le dernier client. Mon collègue t'entends, il passait la tête, puis ça le faisait marrer et, tu vas tellement te faire virer. Lui il se marrait, il fait ouais vas-y, fais quelque chose, parce que en fait les cartons s'entassaient dans mon rayon et je faisais rien. Et au final donc les clients arrivaient vers 9h et tout, moi j'avais évidemment rien foutu, et le lendemain je retourne parce que du coup l'ellipse, après on s'en fout, mais quand je reviens il y a un autre de mes collègues qui vient, il fait ouais, il y a machin, enfin la boss qui veut te voir, je sais pas pourquoi. Je fais bah moi non plus, vraiment je sais pas pourquoi. À ce moment-là, t'es sincère, tu sais pas. Ah ouais, ouais, vraiment premier degré, je ne voyais pas ce qu'elle allait me reprocher. T'as encore le papier bulle qui traîne. Et j'arrive, ouais, c'est qui est déroulé sur 4 rayons. Et elle m'a juste dit oui, vous êtes motivé, vous êtes sûr pour ce boulot. Aïe, aïe, aïe. Je fais bah grave. Prouvez-le. Tout le monde est motivé à se lever à 3h du matin pour décharger des cartons afin de vivre un peu. Je suis trop motivé. Et elle m'a dit. Oui, parce que j'ai quelques images à vous montrer. Et vraiment, elle tourne son ordi en face de moi et elle me montre en accéléré. Elle faisait des petits cuts. Non, non, ça a vraiment duré une heure. Vraiment, de, voilà. Elle fait des accélérés à la vénile. Exactement. Où tu me vois un coup sur les écrans, un coup en train de faire ça, un coup, je sais pas pourquoi, je suis allée dans les coussins. Enfin, mais que des trucs comme ça, c'est trop bizarre. À un moment, tu sors un lame-shake. Non, mais exactement. Genre, on me voit les discuter avec. Tu sais, elle me discutait avec mes collègues, genre, tu sais, posés sur un carton comme ça, en train de leur parler. Et discuter comme ça avec eux pendant 20 minutes. Alors qu'eux bossent. Voilà, exactement. Ouais, font... Alors qu'eux ils sont à la presse Lorraine, et tout. Et moi je suis à côté comme ça, genre et toi ça oh là là. Donc voilà. Et après elle m'a dit bon bah ça sert à rien de revenir. Et j'ai fait bah super, du coup je suis venu à 5h du matin pour que vous me disiez ça. Bonne question d'assaut. Est-ce que t'as nié? Est-ce que t'as dit pas du tout? Ouais, la meuf c'est plein quand même. Elle s'est dit attends, je me suis levé pour que tu me dises de pas venir. Alors que la veille elle s'est fait payer pour rien foutre. En vrai, c'est abusé. Non, j'ai rien dit. J'ai juste regardé et j'ai eu un fou rire parce que dans ces cas-là c'est nerveux, tu vois. Et j'ai juste rigolé et même elle a un petit peu souri parce que ça l'a fait un petit peu rire. Ouais. Et elle m'a dit non, mais je te vire quand même. Voilà, ouais. C'est ça. Elle a un peu rigolé, elle fait par contre tu dégages. Mais, ouais, mais... Allez, t'es viré. Ouais, t'es viré vraiment. Elle m'a dit, ouais. Ça m'a un peu fait rire, mais bon, maintenant au revoir quoi. Mais je crois que c'était interdit de filmer ses employés. C'est les caméras de surveillance. Oui, mais pas dans le. Okay. Et elle, quand elle arrive à 9h et qu'elle voit que j'ai déballé aucun carton, t'inquiète pas, ouais, qu'elle va te checker direct. Non, parce que moi, je suis en écriture d'un truc en ce moment. J'ai dit, bah non, les caméras de surveillance. Et on m'a dit, c'est interdit de filmer des employés. J'ai dit, ok. Sans leur dire. Ouais, ah, et ben. J'ai là, entendu ça, ouais, c'est vrai en plus. Axel, si t'écoutes, il leur dit. Et du coup, c'est bon. Amixem, quand j'étais à Lyon là, cette semaine, j'étais avec Amixem. Enfin, on a fait un truc avec des youtubeurs. Et bref, il expliquait que les caméras qu'il y avait dans la Redbox là, filment tout ce qui se passe. Et du coup, il est obligé de mettre des affiches pour prévenir les gens qu'il y a des caméras. Sinon, oui, c'est illégal. Ouais. Voilà. Okay. Ah oui, moi je savais que j'étais filmé. Hein. Ouais, parce que de toute façon, j'étais fliqué, je pointais, j'avais un ordi, j'étais hyper fliqué, ça je le savais. Mais c'est juste que j'avais bu et que mon cerveau était juste genre... tu vois, genre ouais, tranquille, t'étais chez lui. T'étais, t'étais pas un excès de motivation c'est et ça, l'alcool t'a fait dire allez ça dégage. Exactement, ouais, tu vois. C'est ça. Et c'est tout. À Slack, j'ai eu plein de petits boulots. Ah bah je t'en supplie. J'ai eu un. Hein, t'en veux un seul? Non, non, moi j'en veux plusieurs. Non, mais d'abord, dans un premier temps. Après, on voit si c'est bah, bien. Mon premier, c'était agent de service hospitalier dans un hôpital psychiatrique. Pas mal. Oh, pas mal. Ouais, pas mal. Enfin, pas mal. Sujet à. Enfin, c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est parce intéressant fait, mais... et finalement pas si drôle. Ah, bah oui. Bah, t'as bien fait, du coup. Voilà, mais c'est ben, des histoires bien tristes, j'en ai un paquet. Non, mais tu peux raconter, on met des bruits de prout après, ça peut être très sympa aussi, vraiment. Ah, j'ai une histoire un peu prout. Et une musique un peu drôle. Mais c'est très court. Vas-y, c'est... vas-y. Bah, c'est un fou, il a prouté. Ouais, ouais mais tu la connaissais, je te l'ai déjà raconté. Non, non, c'était très particulier. Et, T'as pété en entretien. T'as tenu combien de temps Non, c'était un job d'été. Donc 2 mois ? 2 mois pendant 3 ans, ouais. Ah oui, non, mais donc oui, tu l'as arrêté. Plusieurs revenu, fois, je suis revenu. Ouais. C'était très bien payé. D'accord. Parce que je faisais les week-ends et les jours fériés, 14 juillet, ouais. Ils offraient les lames de rasoir. Ouais, c'est ça, exactement. Mais oui, alors ça peut, on peut s'imaginer qu'on se marre beaucoup et en fait, assez rapidement, on ouais. est plein d'empathie quand même parce que c'est des gens qui vivent dans des conditions assez qui tristes. Vont pas bien en fait. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on rirait beaucoup. Hein. Ouais, franchement, quand t'as 17 ans et que tu vas dans un hôpital psychiatrique, tu dis ok, je vais me prendre la gueule. Bah, attends, t'as quand même grandi avec. Alors, c'est deux fous qui tiennent une échelle, tu dis bah, ça va être trop marrant. C'est comme la première fois que j'ai vu des Belges, très déçus, ils sont pas si marrants tous quoi. Anthony Merelli. Non, mais j'ai peu d'anecdotes vraiment amusantes, donc passons au boulot suivant. Non, mais juste, alors on n'est pas obligé de raconter toujours ouais. Qu'est-ce que ça t'a. Comment est-ce dire. Que t'as eu avec quelqu'un de connu. Non, mais est-ce que ça t'a ouvert des perspectives? On n'est pas obligé de dire que les trucs marrants. Est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur un truc? Est-ce que ça t'a apporté une certaine philosophie de vie? Moi, je sais que c'est un truc, je me sens incapable de gérer déjà une personne qui est atteinte de atteint de folie, je sais pas si c'est la bonne non, façon. Non, mais c'est des pathologies. C'est ouais, je crois que non. Mais en tout cas, oui, quelqu'un qui va pas bien psychologiquement. Qui a une pathologie mentale. Quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est très particulier parce qu'effectivement, ils sont nombreux. Ils sont très malades. Ouais. Et paradoxalement, ceux qui ont l'air le moins malades, c'est ceux qui sont le plus en souffrance. C'est-à-dire, c'est ceux à qui tu parles, qui ont un boulot, mais qui sont ou en dépression ou qui découvrent une schizophrénie assez récente et qui sont oui, toujours. Oui, parce qu'ils sont conscients en fait de, enfin, du truc. Enfin, bah, quelqu'un qui est déconnecté, à qui tu peux pas parler, il a pas forcément conscience de. Mais c'est ce qu'il a quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ils étaient réunis par provenance géographique. D'accord. Pas mais, du souvent tout par c'est comme, mais souvent c'est comme bizarre. Ça. Hein. Un peu bizarre. Non, tu avais celui qui pouvait pas parler, complètement autiste, c'était réglé. Tu savais que bon, il a sa place était dans un hôpital psychiatrique, ouais. ou en tout cas avec des soins. Bien sûr. Et t'avais aussi celui qui a fait une tentative de suicide. Et ce mec, pour aller mieux, on le met entouré de gens qui crient, qui bavent, qui ouais. chient par terre. Ouais. Chelou. Oui, c'est pas forcément. Ouais, bah, moi, mais, non, mais c'est vol au-dessus d'un coup, c'est ça. C'est, ouais, il mélange toutes les pathologies. Ok, l'anecdote du P maintenant à cela. Pourquoi il est regroupé par provenance géographique? Mais c'est beaucoup alors comme ça. Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais non, mais c'est parce qu'il y a pas drôle d'idée. Quoi. Non, non, moi je vais t'expliquer. Si. Enfin, je vais tout te dire. Me dis pas non. Si. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas, il y en a pas tant que ça. En fait, des espaces pour gérer les gens qui ont des pathologies comme ça mentales. Et des fois, en fait, le plus simple, c'est de les. Enfin, tu vois, t'as genre un hôpital psychiatrique. Mais il y a pas des secteurs dans l'hôpital psychiatrique? Bah, c'est des secteurs qui sont. En fait, ils sont tous au même endroit. Et ils sont. Si tu viens de telle ville, tu vas dans ce service. Si tu vas de telle ville, tu vas dans ce service. Non, mais. Okay, oui. Alors, je pense pas que tous les hôpitaux soient gérés de la même façon. Non, non, voilà, c'est ça. Celui-là, c'est un des plus grands de. Voilà. D'Europe. De France. D'Europe. D'Europe. Du monde. Ça impressionnera plus les gens. À Clermont-de-l'Oise, si vous voulez tout savoir. D'accord. Et donc, là, l'histoire du prout. Non, il n'y a pas d'histoire de prout, véritablement. Wow. Mais. L'histoire de caca, il y en a beaucoup. Ouais, bah, après, c'est pas ça, si drôle. Ouais, ouais, bah, en fait, ça peut te faire marrer quand c'est ton pote bourré, et puis là, tu dis, bon, bah, c'est. Il y a des mecs qui sont très forts à ça. Moi, j'avais vu un gars dans le métro commencer à parler avec un fou du métro, comme on dit, tu vois. Et il vraiment... adore le métro, le mec. Il était fou de ça. C'est un il fou de métro. C'est une chanson de Nolan Leroy, fou de métro. Non, mais tu vois, et le mec lui a parlé, il a calmé très vite. Juste le mec qu'on lui parle et tout, ça l'a fait descendre. Tu vois, il hurlait sur tout le monde, et un gars qui fait, mec, assieds-toi, parle, attends, qu'est-ce quoi le problème? Et ils ont discuté tout le long du trajet. Moi, évidemment, j'avais mes depuis écouteurs. Ils sont pas axés. Mais j'avais mes écouteurs sans musique, évidemment. Ouais. Et je les regardais au loin, et le mec gérait très bien, quoi. Donc tu te dis, putain, heureusement qu'il y a des gens qui ont encore un peu. qui ont suffisamment d'humanité pour tu vois, pour aller briser la glace, des trucs comme ça. Moi, j'en serais vraiment incapable. C'est pas qu'une question d'humanité. Il y a des gens qui ne savent pas se défendre aussi et qui ont peur des autres Bien sûr. Qui se disent s'il est fou, il peut m'attaquer et je saurais rien faire. Voilà, c'est juste ça. Faut avoir aussi la capacité, pas que de parler à la personne, mais de se dire s'il me saute dessus, je peux peut-être l'immobiliser ou le moi, calmer. Je peux. Voilà. Parce que tu fais du Krav Maga, on peut le dire. Ouais, à ma sauce quoi. C'est un conglomérat de plusieurs. Tu vois, il y a aussi le truc où. Pareil, moi j'ai vu mon premier. Enfin, tu vois, quelqu'un qui est comme ça dans la rue à 18 ans. Tu vois, mais en Bourgogne, j'en voyais pas. C'est juste, t'arrives à Paris et il y en a quelques-uns quand même. Donc c'est vrai que tu sais pas du tout comment réagir quoi. T'es plus effrayé de prime abord qu'autre chose quoi. Vous apprenez pas ça en éducation civique en collège? Non, vraiment très peu. très peu. T'as bien pété l'ambiance. Je m'excuse. Non, mais t'inquiète. Mais là où je vivais, donc comme c'était le plus gros employeur d'Europe, du coin en tout cas, et il y avait énormément de. Tout le monde avait des parents ou des oncles qui bossaient à l'hôpital psychiatrique, et surtout il y avait énormément de patients qui circulaient la journée dans les rues. Ouais. Donc, vous avez le droit de sortir. Un voisinage sympa. Bah, en tout cas, ça faisait partie du décor quoi. Putain. Mais trois ans, c'est génial quand t'arrives dans la ville et que t'es pas au courant. Courant, et tu te dis mais ils sont chelous les gens qu'est-ce qui fait que la troisième année t'as dit stop? Est-ce que ça a eu un ras-le-bol ou juste t'as fait autre chose qui s'est préparé? Ils m'ont pas accepté parce que la dernière année où j'y ai bossé c'était en 98. On est tabassé deux. Ah oui, quand même. 98. Oh. Bah, il y a eu la Coupe du Monde. Énormément de cuites. Deux buts de Zidane, un but de petit. Énormément de cuites, très peu de sérieux. Merde, t'es arrivé aussi bourré. Ah, tu t'es fait virer. Ouais, j'allais dormir dans les. Mais c'est beaucoup moins long, mais j'allais dormir sans me faire repérer dans les KGB où on planquait les blouses. Avec notre fric. Hein. Je te fais un PayPal juste après. Je suis bien content qu'il t'ait fait un Sean Paul. Hakim, toi, t'as fait quoi comme petit job? J'en ai fait pas mal de merde. Je faisais des sandwichs sur la plage dans une super station balnéaire. Parce que tu viens, qui s'appelle Le Havre. Voilà ça, tu viens du Havre. Voilà. Et par tous les chemins, tu y reviens. Parfois. Voilà. Donc, je faisais des sandwichs dans une sandwicherie. Ensuite, j'ai été serveur plusieurs étés d'affilée. J'ai bossé aussi à Agen où je mettais les pruneaux dans les fours. Enfin, non, les prunes dans les fours pour en faire des pruneaux. D'accord. Bien sûr. Voilà. Ouais. Je crois que c'était un fruit. Elle a dit ça en mode gros mytho, c'est ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pour dire, oui, évidemment. Ensuite, j'ai bossé dans une entreprise de transport pour les conteneurs. D'accord. Où j'étais chargé de trouver les camions qui récupéraient les conteneurs qui arrivaient sur les paquebots pour les amener là où ils devaient aller, quoi. Donc du port jusqu'à Marseille ou n'importe où, tu vois. Putain. Donc ça c'était relou, donc derrière un bureau toute la journée, mais il y avait la clim. C'est le moment des petits boulots où le moindre petit détail fait hey, voilà. J'avais la clim. Moi j'avais ça, je travaillais à Disney, c'était horrible. Je me disais je rentre gratuitement. Tu faisais quoi chez Disney? Moi j'ai déchiré les fast pass à l'entrée du Père des Caraïbes et de Trandamine. En regardant bien les gens dans les yeux, tu le déchires et tu fais. Non, justement, c'est les gens qui me regardaient droit dans les yeux, genre je passe, j'ai payé. Je fais oui, allez-y, je t'en supplie. Tu te fais vraiment parler comme de la merde. Et qu'est-ce que j'ai fait comme autre boulot de merde? Après j'ai été en alternance dans une entreprise où j'étais censé être commercial et vendre soi-disant des solutions pour que les entreprises aient plus de clients, alors qu'en fait j'avais qu'une seule solution à vendre, c'était des sites internet, tu vois. C'est genre, c'est quoi vos problèmes? Je pense qu'il vous faut un site internet. Et donc il y a un taux de suicide énorme, alors petit site web. Voilà, donc à chaque fois la solution c'était de leur vendre un site internet en leur disant ouais, mais avec le référencement. Tu vois, alors qu'on vendait. C'est quelle année ça? Parce que proposer cette internet, c'est vraiment en plus. Enfin, je pense qu'ils ont eu l'idée quoi. Enfin, genre. Non, mais c'était genre, j'allais voir des restaurants en d'accord. leur disant. Donc des petites, voilà, des petites boîtes. Des PME, etc. Machin, okay. Pour qu'ils aient des sites. Porte à porte, genre Alors, je pouvais faire du démarchage téléphonique, ça c'était l'enfer. Et j'ai failli me battre avec le patron. Et Ouais. Mais donc les gens devaient mal te parler. Ils me parlaient très très mal. Ouais. En fait, quand je faisais le phoning, j'étais dans un bureau où il n'y avait pas de fenêtre. Et genre, je devais cocher. À chaque fois que je faisais un appel, je devais faire une croix dans une case, etc. Pour qu'ils puissent compter le nombre d'appels que je faisais par heure. Pour pas que. Tu sais que j'ai un quota et il fallait qu'avec un certain nombre d'appels, je devais avoir un certain nombre de rendez-vous. Et bon, l'enfer, quoi. Et donc, le mec regardait que mes chiffres. Puis au bout d'un moment, il m'embrouillait parce que. Tu sais, dans les cases, des fois, quand tu passes ta journée à faire ça, soit tu fais des croix, des ronds, des machins. Et au bout d'un moment, il me dit ouais. Tu t'amuses à faire des symboles différents, Ah oui, donc même pas le concentré. Ouais, oh, putain. Donc ça, il me cassait les couilles. Donc ah oui, non, mais là, c'est vraiment, oui, c'est vraiment du despotisme. Voilà, oui, du harcèlement. Ouais, c'est horrible. Ah non, je me suis fait totalement harceler. Ah, c'est pour ça que j'ai failli me battre avec lui, quoi. Il me parlait très très mal. Genre, pire, il me disait, c'est quoi, ouais, de si... moustache ou. C'était genre, il me disait, si t'as pas fait tous tes appels là dans l'heure, t'es censé faire 10 pompes à la fin, tu vois. Quoi ? Je te jure qu'il m'a dit ça. Ah oui, t'as une grosse merde. C'est whiplash en fait. Voilà. C'était ça, 10 pompes. Ouais. Non, mais au bout d'un moment, donc il me disait de faire des pompes. Au début, t'es en baraque fait, maintenant. Donc à la base, merci à lui. Je passais très peu d'appels. Moi, j'ai pas été harcelé du tout. Non, mais en fait, tu sais, comme t'es en alternance et que c'est lui qui te met une note à la fin pour savoir si t'as ton année, t'as tendance à dire, ouais, bon, allez, on rigole, c'est du bizutage ou etc. machin. Ouais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais je vais totalement en parler à mon. Comment on dit le centre d'apprentissage, quoi. Ouais. Et ils m'ont dit, bah en fait, non, tu tolères pas oui, ça. Bah non. Et ouais, du coup, je suis revenu et quand il m'a dit, tu fais ça, je lui ai dit non. Et bah, il a pété un câble. Et puis bah là, j'étais plus du tout en mode étudiant. Je lui ai dit, tu me touches, je te nique ta race. Ça, j'aime bien. Voilà, je suis passé du oui, pendant des mois à tu sais, j'allais au boulot et tu sais, j'étais pas bien, tu vois. Et, bah, et puis après, il a pété un câble, il m'a menacé. Et je lui ai dit, bah tu me touches, je te nique ta race. Et là, il est venu tout blanc, genre il s'attendait pas à ce que je dise ça. Coup de pied retourné. T'as bien fait. Et après, bah donc on s'est séparés. dans comme un accord. Voilà. Mais attends, du coup, t'es allé jusqu'au bout de ton alternance? Non, j'ai été jusqu'au bout de mon alternance, mais pas dans cette entreprise. Voilà. Ah, d'accord, t'as changé. En gros, voilà, ouais. On était en milieu d'année et ils m'ont dit, ouais, bon, bah, tu retrouveras une entreprise, ce que j'ai pas retrouvé. Mais ils m'ont dit, on va pas te pénaliser pour ça. Voilà, du coup, ils m'ont permis d'avoir mon année parce que j'avais les bonnes notes quand même. Un conseil aux étudiants en alternance, la menace physique marche. Très bien. N'hésitez pas. En cas de harcèlement. D'ailleurs, ouais, parce que c'est marrant que tu dises bizutage parce que. C'est souvent en fait bizutage, c'est du harcèlement en fait quoi. Oui, c'est juste sûr. Un mot pour oui, dire, mais oh, c'est à dire que au début j'étais pas censé faire des pompes tout seul, tu vois. Au début il me dit, ah, tu sais faire autant de pompes, et lui il commence à en faire. Ouais. Et après il me dit, ah, t'en fais combien toi? Donc c'était un délire de ouais, bon, combien vraiment au taf. Pervers. Et puis au début il faisait semblant d'être mon pote, et puis après il me dit, ouais, bah si t'y arrives pas tu fais 10 pompes, etc. Et puis ouais, et c'est l'horreur. Non mais ouais, ça c'est. Ah, ok, je comprends. Mais j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est parce que le côté Paris. Et donc on a l'impression d'être dans un microcosme, mais j'ai l'impression que sur le harcèlement au travail, il y a quand même une parole qui se délie un peu. J'ai l'impression que les gens s'en rendent compte, tu vois, que la petite blague relou du bureau, c'est plus une petite blague relou. Avant, on appelait ça genre la culture d'entreprise et tout, et en fait, tu te rends compte que bah non, en fait, c'est du harcèlement. Ouais. C'est moi, je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais oui, moi, c'est beaucoup moins grave que toi en comparaison, tu vois. Mais moi, j'avais remplacé une secrétaire tout l'été, et la blague des gars, c'était de me parler comme si j'étais la secrétaire, et du coup, ils me parlaient comme bah alors, t'as pas mis ton soutien-gorge, bah alors, celui en dentelle, là, on l'adore celui-là, et vraiment. Mais même si c'est la meuf, c'est oui, gênant. Oui, c'est ça, c'est vraiment, il y a un truc. Non, mais bien sûr. Mais je pense qu'il parlait pas du tout comme ça à la meuf. Enfin, je pense que leur blague, c'était de s'adresser à un mec comme si c'était une fille. Ouais. C'est marrant, t'es une femme, mon gars. Imagine, t'es une femme, là. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est pendant 60 jours, quoi. C'est tout l'été. C'est-à-dire que tu dis une semaine, c'est long et tout. Ils vont tu vois, se lasser. Ils peuvent se lasser, parce que c'est les mêmes en boucle, hein, les blagues. Hein. Ouais, bah, et oui, vraiment, oui. Non, c'est deux mois, et jusqu'à la fin, tu vois. Et à la fin, t'as fini par mettre un soutien-gorge. Ouais, vous avez raison, les gars. C'est marrant. T'aurais dû la menace physique. Bah, mais vraiment, il était exécrable, le gars. Je me rappelle que je suis arrivé un matin, je commençais à 9h, j'arrive, il est devant la porte et il me dit il est quelle heure là? Et tu sais, je bug, je fais bah 9h. L'heure de tâcher une montre. Je fais 9h. Il est midi, désolé, mais pour le Mac Morning c'est fini. Je lui dis 9h et il me dit non, regarde mieux. Et donc je regarde ma montre et genre il est 9h01 et 30 secondes. Ah là là. Wow. Et je lui dis bah allez 9h02. Il me dit, et alors tu commences à quelle heure? Oh là. Et là je souris, au début je croyais qu'il blague, tu vois. Ouais, je dis, ah ouais, d'accord. Et il me dit, non, mais je rigole pas, t'es censé être là à 9h. Je dis, non, mais attends, si moi quand j'arrive le matin, toi tu prends un café, tu prends une pause de 10 minutes et tu commences pas à 9h pile, t'es pas. Ouais. Il me dit, non, moi j'en ai rien à foutre, je veux qu'à 9h tu sois déjà en train de téléphoner. Oh là. Je dis, ah ouais, d'accord. Mais au début, ça, je lui ai dit, non, mais. Tu blagues, je lui ai dit, tu es en train de blaguer. Et il m'a dit, ouais, tu me parles pas comme ça, etc. Il pétait un plomb. La bonne nouvelle, c'est que depuis, tu l'as planté. tu l'as suriné en fait. C'est un mec qui devait avoir une vie. Enfin, je sais pas du tout pour l'excuser, mais quand t'as besoin d'être aussi horrible dans ton travail, je peux pas croire que t'es heureux dans ta vie perso. Quoi. C'est pas possible d'avoir ce réflexe de despote horrible. Je trouve ça. Ouais, je trouve que tu l'excuses pas mal, je trouve. Oui, pour moi, c'est un mec super. C'est là ce que je voulais dire. Donc ouais, ça sinon c'était des ambiances. Mais j'ai toujours eu des patrons qui étaient des enculés. Hein, à chaque... Ah ouais. Ah ouais. À chaque fois j'ai eu des patrons. J'en ai eu qu'un qui a été génial. Et j'ai travaillé. Je dirais pas son nom. Bah, non, non, je travaillais en fait dans une entreprise pour le développement durable. On créait un salon pour réunir les meilleures entreprises écologiques, etc., qui avaient des idées innovantes, etc. Donc un salon pour le développement durable. Et lui était humainement génial, mais nos principaux clients étaient dans l'immobilier. Et il y a eu la crise des subprimes. Les clients ont coulé. Du coup, ils nous ont pas payé et du coup, on a coulé. Oh putain. Donc, voilà. Donc toutes mes expériences d'entreprise ont été nulles. Putain, ouais. Même quand c'était bien, c'était nul. Bon, Hakim, c'est la merde. Je te propose de faire 10 pompes. Ouais. Allez. Pour la planète. Putain, d'accord. Ouais. Le truc de téléphone, c'est un truc qui m'a toujours un peu angoissé, moi. Je l'ai pas fait, mais je me suis dit. J'ai fait c'est un ça. Truc que je... Tu l'as fait ? Médiamétrie, ouais. J'appelais les gens. Pour la télé ? Ouais, pour savoir, pour la télé, la radio, la télévision dans votre région, si tu veux le test. Mais attends, c'était pour l'audimat ? Pour l'audimat ? Pour l'audimat, ouais. Ah, mais non, tu faisais ce truc, on dit à tant de parts de marché, c'est toi qui faisais le calcul. Enfin, c'est toi qui les appelais. C'était moi. Genre, t'appelais pour savoir ce qu'ils avaient regardé hier, quoi. C'était horrible. Parce que t'as un texte hyper charté que tu ne dois pas oublier un mot, sinon ils annulent ton enquête, à condition évidemment d'être grillé par ton superviseur. Et t'appelles les gens, tant que t'as pas le quota, tu continues à appeler. Des fois, on appelait jusqu'à minuit les gens. Mais les gens, ils devaient être. Enfin, il devait être insultant, oui, c'est ça. Et a raison, vraiment. Tu lui appelais, bonjour, c'est pour. Et en plus, tu avais la même phrase. Bonjour, nous vous appelons pour. Nous réalisons actuellement une étude sur la radio, la télévision, le cinéma dans notre région. Auriez-vous quelques minutes à nous accorder pour répondre à quelques questions? Ah, vous m'emmerdez. Il est minuit, on dormait, putain. Ouais, j'avoue que t'as fait une chose de ma gueule ou quoi? Je dors, connard. Ouais, et moi je taffe. C'était horrible. Eh, mais je regarde si j'aimerais dormir. Est-ce qu'il y avait des. Moi je regarde pas la télé, de toute façon, je m'en fous, c'est de la merde. Oui, ouais, c'est ça. Évidemment. Non, mais en plus, tu dis que t'appelais les gens jusqu'à minuit. Il y a vraiment un cercle vicieux où plus il est tard, moins il y a de chances que les gens répondent. Non, non, mais les gens en général répondent au début. Non. C'est si, j'ai raison. Bah, tu as raison parce que les gens. Surtout, ils doivent décrocher paniqués, ils doivent se dire c'est grave. Ouais, non, mais au début, ils sont hyper contents d'avoir un lien avec la télé, en vrai. T'as un truc un peu. Ah, cool. Ouais, mais à minuit, non. À minuit, non. non, à minuit, non, mais même à 20h, il commence par te répondre et quand il voit que le question est très long et très très bavard. Allez. Et vous avez regardé la télé? Non, j'ai plus rien regardé. Non, mais après j'ai plus regardé et tu sais très bien qu'il ment. Ouais. Et en fait voilà, tout est faussé de A à Z. C'était oui, donc on est d'accord que Médiamétrie ça n'a pas, enfin c'est. Maintenant ils ont des boîtes, je crois. Mais attends, oui, il y a des boîtiers. Moi je pense maintenant c'est des boîtiers. Ouais, c'est fini, mais à l'époque de la chaîne. Avant c'était avant les boîtiers, c'était ça. Oui. Mais apparemment, je suis sur le site de Médiamétrie. Non, parce mais... que là, on n'a pas son regard, gens, mais il m'a dit non, il sait pas. J'en sais rien, je sais pas du tout. Non, mais je suis sur le site de Médiamétrie, il continue à contacter. Mais je les embrasse. Y a en même tout cas. Des gens, tu peux demander à ne plus être interrogé. Il fait, mais pourquoi suis-je interrogé alors que j'ai demandé à ne plus être contacté? Mais oui, normalement, tu t'inscris pour être interrogé. Les gens que t'appelais, ils savent. Non, on a une méthode très simple. On a un numéro de téléphone en haut d'un bordereau et on ajoute 1 à chaque fois. D'accord. En fait, il y a des questions très drôles. En gros, c'est la FAQ des questions les plus demandées. Genre, mais pourquoi suis-je appelé le soir ? Il fait bien, afin d'assurer la représentativité de nos enquêtes, nous avons besoin de contacter des personnes qui sont absentes de leur domicile en journée. D'accord, mais pourquoi être appelé le week-end et les jours fériés ? Ah, les médias ont une activité continue. Afin d'assurer la représentativité de nos enquêtes, nous avons besoin d'interroger les personnes les week-ends et jours fériés. C'est vraiment. Alors, mais moi, c'est pas une excuse. À propos de trucs au téléphone, il y a quelqu'un qui m'a appris un truc et j'étais sans doute trop naïf, mais je pensais pas que ça existait. C'est en gros quelqu'un qui m'a dit que elle a bossé en gros elle vendait des régimes, enfin des trucs de régimes par téléphone. Et en gros je lui ai dit mais quoi, vous appeliez des gens au hasard quoi? Elle disait non, on appelait des gens en surpoids. Et je disais mais comment vous saviez? Et en fait c'est genre des marques comme La Redoute. Il voit qui commande des fringues genre XL, XXL, XXL, ouais. Ouais. Et ils vendent les données, les contacts des gens à ces boîtes là quoi. Donc avant Facebook et tout ça, il y avait déjà ce genre de truc où ils vendent les numéros de téléphone des gens. Tu veux dire qu'avant Black Mirror, c'était déjà Black Mirror? Pour moi, c'est Black Mirror. Ouais, pour toi, c'est Black Mirror. mais j'étais vraiment naïf, je pensais pas que c'était. Que t'avais le droit en fait. Ouais, moi non plus. En fait. Normalement, t'as pas le droit si on te donne pas l'autorisation, mais eux ils en faisaient. Ils demandaient pas en fait. C'est ce que je me demande aussi. Non, ça s'achète. Hein, ils demandaient pas quand tu remplissais ton truc et à aucun moment ils disent ça vous dérange si on vend les infos? Tout le monde dirait bah oui. Moi, un truc que t'acceptes sans lire ou je sais pas. C'est ce que j'allais dire. Mais moi je me demande même ce que ça signifie implicitement certaines questions. Tu vois, par exemple, quand j'appelle Bouygues, quand j'ai des problèmes avec ma box et qu'ils disent la conversation est susceptible d'être enregistrée, moi je m'en fous qu'elle soit enregistrée, mais en fait à quelle fin? Ouais. Et parce que des fois ils disent c'est pour les évaluer, formateurs. Ouais. Mais, ouais. En mais t'en sais rien en fait. Parce que moi j'ai écouté un podcast sur la vie privée et tout ça. Et en fait c'est un truc de ouf à quel point c'est un marché énorme maintenant, les données sur les gens en fait quoi. Genre il y a une poupée pour enfants qui s'appelait mon ami je sais pas quoi. Et en gros c'était une poupée à reconnaissance vocale, c'est-à-dire les enfants lui disaient je t'aime et la poupée elle disait moi aussi je t'aime. Nan, nan, nan. C'est le début d'un film d'horreur là. C'est vraiment choqué. Non, et c'est une appli qui était, les parents pouvaient se connecter à la poupée avec une appli. Et dans l'œil il y avait des caméras. Non et en fait il stockait, la poupée stockait les enregistrements des voix des enfants et l'entreprise récupère les voix et les vendait à une entreprise de reconnaissance vocale. Qui elle-même bossait pour la CIA. C'est envoyé à Neverland. Qui elle-même bossait pour la CIA et tout ça pour s'entraîner à leur truc de reconnaissance vocale des terroristes et tout, etc. Et donc du coup, mais c'est des enfants à la base. Ouais, mais du coup ça fait un panel de voix parce que facile d'avoir des voix d'adultes, mais des voix d'enfants. Et du coup, ça forme encore plus les intelligences artificielles à la voix humaine. Ouais. Et du coup, ils vendaient des voix, des extraits de voix d'enfants et tout. Et c'est un marché. Maintenant, tous les trucs, les smart trucs qui sont à reconnaissance vocale, en fait, ils vendent les voix et tout. Enfin, c'est littéralement le scénario du prochain Black Mirror, mais vraiment littéralement. Ah ouais, bah, ouais, c'est dans la bande-annonce, il y a ça. C'est une poupée qui est à côté de toi et tout. J'ai vu un extrait. C'est littéralement ça. Et bah, c'est vrai. Voilà. Je peux pas dire mieux, c'est tout à fait vrai. En fait, c'est ça le problème de Black Mirror, c'est vraiment, ils font. C'est vraiment. Ouais, c'est moins horrible que la réalité. C'est que la série VIP, je sais pas si vous connaissez, c'est sur des gens à la Maison Blanche qui savent pas gérer et d'un coup Trump et lui ils font ah bah du coup. Et d'ailleurs ils arrêtent. Ouais, c'est vraiment, c'est fini, VIP. Il y a un truc de. En fait, c'était genre des débiles à la Maison Blanche, sauf que maintenant Trump et lui, donc ce qu'il fait est pire que les débiles dans la Maison Blanche, donc ils font bon bah on arrête visiblement, on fera pas aussi bien. Toi, Luciole, t'as fait quoi d'autre comme taf? Alors j'ai bossé dans une église. Ah bah alors voilà, bon, on va c'est Notre-Dame. Les gens ils vont pas comprendre. On va juste dire ça, c'est génial, Hakim il a dit le nom d'une église qui a brûlé. C'est top. En fait on a réenregistré ce petit passage, on a eu un petit bug. Et donc du coup Hakim a fait une super blague avec Notre-Dame. Et voilà. Expliquer c'est toujours un peu moins bien une blague. Lucio elle a dit qu'elle allait fumer une clope. Et les caméras et tout. Et du coup on se marrait en fait. On a eu un gros délire quoi. C'était un bon moment. C'est mieux la deuxième fois. C'était un peu le climax. Et tu faisais quoi dans cette église? Alors j'ai bossé pour le coup juste un été avec ma meilleure amie, et si elle passe par là je fais des bisous. Et en gros on s'occupait juste de faire le ménage, littéralement. Femme de ménage dans une église? Exactement, en fait on déplaçait des trucs parce que c'est immense. Quelle église? Il y a plein... L'église de la Madeleine. D'accord. À Paris. Et il y a énormément de salles, donc on déplaçait les affaires, etc. J'imagine un truc genre, je crois que c'est, il y a des esprits, et c'est vraiment personne qui est au courant qu'elle déplace des. Jésus qui vient de temps en temps. Non, c'est Luciole qui est bourré encore. C'est encore Luciole bourré. C'est une religion. Je t'assure que ce cierge n'était pas là. En vrai, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils éteignent les cierges tous les soirs pour ceux les qui. Les cierges. Ouais. Cierges, le mytho. Pour ceux qui se poseraient la question, enfin bref. Et du coup, donc on faisait tout simplement le ménage, donc on se répartissait le travail. En vrai, en matière de signes du Saint-Esprit que certains ont pu interpréter, plus d'une fois on faisait tomber de la poussière ou des trucs. Donc les gens ils sont en train de prier, tout d'un coup il y avait des trucs qui tombaient du ciel et c'est nous qui avons mal géré un truc, et parce qu'il y a plusieurs étages. Voilà, donc ça arrivait plus d'une fois. Ça arrivait plus d'une fois où on se range comme ça et puis tu peux pas hurler genre désolé en plein milieu de l'église. Donc du coup t'es c'est juste moi, c'est moi. Tu regardes et t'essayes de faire des signes genre pardon. Donc, ouais, je m'attendais. Quand tu parlais de poussière, je croyais que tu dis on écrivait sur les bancs. Coucou, c'est Jésus. comme sur le capot d'une bagnole. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils éteignaient les cierges tous les soirs. Ouais, les gens, ils viennent, ils payent. Ils posent un cierge. Ils disent, j'espère qu'il va brûler longtemps. Et non. Il les rallume. En plus, elle le fait vraiment au jet d'eau, c'est un truc sans aucun respect. Il souffle dessus. Allez, ça dégage. Et après, ils font tous fondre pour en refaire des nouveaux. Ouais, c'est ça. Et du coup, la petite anecdote en question, c'est que en fait, dans l'église même, donc dans la nef, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que c'est que des bancs et l'autel et c'est tout. Mais il y avait juste les confessionnaux. Donc pour ceux qui savent pas, enfin confessionnal, ceux qui savent pas ce que c'est, c'est des petites pièces en bois qu'il y a sur les côtés des églises. Il y en a souvent, il peut y en avoir 6, il peut y en avoir 2, ça dépend. Ouais. Et les gens vont à l'intérieur et ils font une confession. Donc en général, des trucs salaces. Ouais. Ils veulent se faire pardonner quelque chose. Ils veulent se faire pardonner. Donc il y a quelqu'un qui est avec eux, donc un prêtre, enfin peu importe. C'est le concept de faute avouée à moitié pardonnée. C'est ça. Tu me feras quelques. Totalement pardonné. Je vous salue, Marie, et voilà. Il y a enfin c'est assez connu, enfin bref, et mais il faut être là aux heures où il y a quelqu'un qui peut t'écouter pour parler, donc c'est voilà, faut bien gérer son coup. Et faut être intéressant. Et le mec raconte très mal les anecdotes. Allez, enchaîne. Jésus veut bien te pardonner, mais enchaîne. Et du coup, donc j'étais chargée de nettoyer tout simplement les confessionnaux. Donc t'arrives avec ton petit truc pour cirer le bois, etc. Et en fait, je rentre dedans et je m'enfermais dedans, mais parce que les portes elles se referment toutes seules. Donc je rentre dedans, ça claque, moi je fais mon truc tranquille. Et là, vous le sentez venir. Voilà, il y a une mamie qui arrive. Ah ouais. Ah mais t'es arrivé. Mais t'es arrivé une scène de film. Et qui a commencé à dire bonjour. Et moi, je pensais que c'était un bonjour un peu lambda, comme oui, quand tu croises quelqu'un qui fait le ménage. Bonjour, ouais. Bonjour. Enfin, lambda. Bonjour quoi. Ma fille. Ouais. Et du coup, je vois, je continue et juste bonjour. Ça. Et elle fait bon alors du coup, je vais peut-être commencer. Enfin, on commence par une prière du coup. Et je m'arrête, et en fait j'avais pas l'impression qu'elle parlait à moi, donc j'avais toujours ce côté un peu silencieux, limite je sifflotais en continuant de nettoyer, en mode je l'écoute pas trop et je vis ma petite vie. Et elle était comme ça, et au moment je tourne la tête et je vois qu'elle est vraiment assise à côté, parce que c'est une espèce de petite cabine téléphonique pour ceux à qui, qui voient pas. Oui, c'est pas aussi vaste que dans les films américains. Oui, c'est ça, c'est une petite cabine, petit, en fait. Mais j'avais juste l'impression qu'elle était à côté, ou je sais pas, qu'elle parlait, et en fait je me suis rendu compte qu'elle était vraiment assise dans le confessionnal, enfin il y a une grille qui nous sépare, et par la grille j'ai vu qu'elle était assise, et là j'étais genre ah non mais il y a personne, le père il est pas là et tout, non. On fait ah mais vous êtes pas là pour... ah bah vraiment pas non, c'est déjà putain j'aurais écouté moi. Ouais, grave. Ah ouais merde, moi je m'entendais vraiment la petite vieille, j'aurais voulu savoir ce qu'elle avait fait. En fait c'est elle qui a tué JFK, enfin, tu vois, elle a caché un truc depuis des années, un truc de ouf. Ouais, en vrai j'aurais dû gratter un peu d'infos. Putain. Mais j'ai juste fait non vraiment pas, et elle est ressortie en rigolant en me disant ah oh, c'est cocasse, et voilà. Ah, ça, ouais. C'est cocasse. Déjà elle a dit c'est cocasse. Elle a dit c'est cocasse, elle a fait ah c'est cocasse. T'es bien une vieille. Et t'es resté que 2 mois. Et un seul mois. Un seul mois pour l'été. Et pour ouais. Et en fait c'est parce l'été que j'ai ma famille qui était dans une association qui bossait avec eux, et ils avaient besoin de monde pour parce qu'il y a beaucoup de trucs à déménager en fait, il y a enfin ça. C'est immense. Oui, parce que le soir, il y a des comités d'entreprise, il y a des trucs. Des bougies à éteindre. Ouais, c'est et ça. Non, mais il y a beaucoup de choses à déplacer. Il y a des objets qui sont hyper lourds. Enfin, c'est des trucs de déménageurs, quoi, vraiment. Ouais, oui, enfin, ils font appel à toi, quoi. Ouais. Logique. Et ouais, c'est totalement logique. Ils m'ont vu, ils m'ont fait c'est vous, vraiment, qui allez déplacer les reliquaires. Voilà. Les reliquaires, c'est vraiment des trucs en fonte. Oui, où et bah, Jésus, il a porté une croix, d'accord. Donc, tu peux porter un petit truc, s'il te plaît. Ça va, il en a chié. Non, en vrai, c'était meilleures conditions de travail. T'as porté que des trucs lourds dans tes boulots. Cool. C'est ça, c'est fou. Il y a aucun moment où t'as porté un truc un peu léger. Non, quasiment pas. Non. Putain, c'est fou. C'est... Ah bah les pommes, si, l'assiette des pommes. L'assiette des pommes, ça. Ça allait. Est-ce que quelque part t'as jamais vu ton patron? Oh. Allez, elle est belle celle-là. Tu vois, on a pas eu notre dame, mais on a eu la poésie de celle-ci. C'est vrai qu'elle était pas mal. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais du coup, alors oui, la question se pose, est-ce que Dieu existe, Luciol? Du coup. Non, mais sur la fiche de salaire, c'est écrit quoi? Mais c'est pas trop incognito parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Oh. C'est vrai. C'est marrant que t'en parles. J'ai c'est vu dommage la... qu'il n'y ait pas de vidéo pour voir la tête que t'as fait quand tu l'as dit. Un zoom très lent. J'ai rematé la Passion du Christ. Récemment, je l'ai jamais vu parce que j'avais envie de délirer. Voilà. De voir un film de fait par un antisémite. Non, non, mais en vrai, de vrai, je voulais voir. En fait, c'était pour. J'écris en ce moment sur une série. J'avais une blague sur la Passion du Christ et bon, déjà la blague est un peu ringarde et en plus elle a pas été gardée, donc je me suis vraiment tapé un film pour rien. Et effectivement, je voulais voir à quel point c'était antisémite, parce que Mel Gibson est vraiment antisémite et raciste et même homophobe, je crois. Enfin, il y a vraiment. Il fait des bons films. Ouais. Donc, okay. Après, c'est le mec de l'arme fatale quand même. Il donc, bouffe à tous les râteliers. Voilà. C'est un chouette packaging. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que le film est vraiment pas ouf et il y a quand même une scène géniale de ce film. Si les gens qui l'ont vu s'en souviennent peut-être, on apprend que Jésus a inventé la chaise. C'est-à-dire qu'à un moment, il est autour d'une table avec sa mère. Et il fait regarde ce que j'ai inventé, c'est une chaise. Et tu fais ah on va arrêter de manger debout. Non, bah, c'est vrai, c'est limite ça. Et en plus c'est ridicule parce que tout est en hébreu et en latin. Mm. Et donc du coup c'est sous-titré. Voilà. Et vraiment il a le truc, il fait regarde ce que j'ai inventé et c'est une chaise. Et vraiment Jésus invente la chaise dans la Passion. Il y avait la table. Ah, mais quelque part il était menuisier donc à un moment donné. Oui, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est pour ça. Il y avait la table. Mais pas la chaise. Et ils ont mis du temps à se dire si on en fait une plus petite, on peut s'asseoir dessus. Ils ont Jésus. Jésus, ouais, pardon. Est, donc, ouais, mais est-ce pour qu'elle moi, était en osier? C'est la Trinité. Même pas, c'est vraiment un vieux truc. Surtout que la scène sert à rien. C'est vraiment pour dire non, mais il a fait des trucs. Il a fait des trucs concrets. Il a inventé la chaise et pas le tabouret déjà. Non, ouais, il y avait déjà dossier direct. Quoi. Ouais. Le tabouret est venu après ça, on savait pas. Ils ont dit non mais enlevez ce dossier là. Putain, tabou, ouais. Ça on peut s'asseoir de tous les côtés. Ouais, ça peut tourner autour. Tu le places dans n'importe quel sens, c'est que tu gagnes du temps quoi. Non mais c'est pour ça qu'il y a, eu résurrection de Jésus. Il fait oh j'ai une idée. On enlève le dossier. Ils ont fait pas ouf. Bon si c'était pour faire ça tu pouvais rester. Après il a fait la chaise haute pour bébé. C'est la même idée à chaque fois. Arrête Jésus. Non, mais la chaise longue. C'est que sur la croix j'ai eu plein d'idées. J'ai vraiment j'ai eu. Et quand on va à la plage la chaise pliable. Et là là le mec il a marqué les esprits. Il a dit attendez. La mais chaise ça, encore que... plus haute pour les arbitres de tennis. Bon arrête. Arrête maintenant. Jésus. Le transat. La croix. Le transat. La chaise qui se balance. T'es sûr que c'est pas la même idée que tu déclines à chaque fois? Non non. Bah, t'es pas bien sur la croix. C'est quoi tu... Ah c'est pas c'est... ça. C'est que j'ai des idées. Ouais. Ce serait plus sympa sur une chaise que sur une croix. Entre nous, si j'étais assis, ce serait mieux quand même. On va aller en enfer. Hein. Bon. Oh écoute, allez, on est plus à ça. Ouais, mais est-ce moi non, qu'il y j'ai des chaises pour lui, donc en théorie, j'ai ma retraite. Ah non, il déteste les chaises, c'est l'invention de Jésus quoi. Il boycotte les chaises, de ouf, en enfer. En enfer, il y a que des hamacs. Où ils ont un truc, c'est un peu, ça ressemble un peu à une chaise, et on fait bah c'est une chaise. Ils font non, non, ça n'a rien à voir. Et c'est nous qui l'avons inventé. Celle-là, elle a trois pieds. Y a, c'est ça ce que j'allais te dire. Où il y en a cinq, il y en a un autre au milieu. Et, bah c'est une chaise, mec. Non, pas du tout. Ça n'a rien la à chaise, voir. C'est le truc de Jésus. Arrête de dire les trucs antisémites comme ça. Aslak, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme, comme métier médiamétrie? C'est pas très marrant. J'ai été pion. Ah non, si, c'est pour pas mal pion. Funèbres. J'ai été pion. J'ai été pas pion, mal. Mais je me suis fait On est tous un peu les pions de Macron, donc. Oh ah ouais, non, c'est un brûlot politique hein, ce podcast. On sera pas premier avec celui-là, hein, je vous le dis. Hein. Et donc, j'étais pas assistant d'éducation, qui est le nouveau nom des pions, je crois. Ouais, c'est vrai. Ça, moi. J'étais assistant éducateur. Dans ça n'a rien à voir. C'est vraiment un peu dur comme jugement. Que c'est... Au lieu de dire d'éducation, c'est éducateur. Donc... Non, mais non. C'est non, vraiment le même a, mot. Il est intransigeant sur les mots. Non, mais là, non, bah, alors je vais te dire, parce que il y a pion, un moi, j'étais, en plus, j'étais surveillant, moi. J'étais pas oui, c'est ça, c'est surveillant, parce que pion, c'est ce que disent les jeunes. C'est oui, pas écrit pion, j'étais surveillant. Et la, je l'ai mal. Ce qui est intéressant quand t'es surveillant, c'est que t'es embauché seulement parce que tu as rempli un dossier. J'écoute pas. Parce que tu veux. Bah, je ne te parle pas. Et donc t'as pas d'entretien d'embauche avec l'établissement dans lequel tu vas être embauché. Donc il t'est envoyé, tu remplis un dossier, je veux être pion, ok, nickel. Bah voilà, vous allez bosser à Ribécourt-Drélincourt entre Noyon et Compiègne. Au hasard ce mot. C'est très fort en impro. C'était collège ou lycée? C'était un lycée collège professionnel. Okay. D'accord. Avec et des c'est... élèves qui étaient plus vieux que moi. Ah non, donc tu faux. T'es fait pur magnifique. T'exagères. Ils avaient pas, ils étaient pas tous plus vieux que moi, ouais, mais certains. Aucun ouais. Même. J'avais 20 ans. Non, oh, avait... ouais, c'est un hommage. RIP bien sûr. Ouais, il était très bien. D'ailleurs, oh, je suis pas content, je suis un chat. Un hommage à la grande Picard. RIP également. RIP est-ce qu'on a, on en a raté d'autres Oh non, j'arrive pas à le faire. Qui c'est si, Ariel, Dick, oh, Dick Rivers. Oh, c'est génial. Oh, mon cul. Oh, oh, ton cul. Oh, oh, oh, j'adore ton cul. C'est très peu Dick Rivers. Ça. Ouais. Non, c'est pas... Bah, on sait pas. Dick Rivers qui fait pas mal les culs de gens. Et donc, tu étais pion. Arrête mes cordes là, quoi. Oh, oh, c'est génial. Oh, oh ben bah raconte-moi. Oh bah moi je suis un félin mais j'aime pas trop ce lycée. Moi j'arrive pas. À... En fait je l'imite pas vraiment, je m'en rends compte. Bah, c'est vraiment un truc de Gérald Dahan qui dit le truc. Gérald Dahan, Gérald qui fait miam miam miam. Je suis grincheux alors. C'est qui à votre avis? Donc psychiatre sûrement. Gérald Dahan ou les ouais il est obligé de dire le prénom de qui il imite au début ouais. Et que c'est vraiment lui ou c'est Cantlou aussi, c'est Cantlou que je cherchais. Cantlou fait ça et la meilleure et d'ailleurs c'est fou qu'il l'ait d'ailleurs diffusé Gérald Dahan, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai entendu. C'est Gérald Dahan qui essaie de piéger Arthur et qui fait oh c'est Jacques Lang ça va Arthur et il y a Arthur qui est mort qui fait qu'est-ce que tu fais? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Il fait, mais non, je suis Jacques Lang, Arthur! Il fait, bon, écoutez, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais faut pas faire le métier d'imitateur. Oh putain! Et c'est Gérald Dahan! Oh putain! Et le truc est, je vous étonne, vous pouvez. C'est ouf! Écoutez, c'est d'une violence extrême. Et vraiment, Arthur, il est mort de rire. Il est vraiment genre, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment très mauvais. Excuse-moi, Slag. Il est sympa, je te pardonne. Alors, troisième fois, vas-y, redis. Tu étais pion. C'était où déjà? Parce que mes premiers degrés, le nom par contre. Ribécourt-Drélincourt. Ouais, déjà. En vrai, c'est en quel y avait ça. Des mecs qui avaient qui arrivaient avec des dans l'Oise, 60. Il y a des mecs qui arrivaient avec des perceuses le matin. Oui. Ouais. Bah oui, pour le bac pro menuiserie, c'était indispensable. C'est pas génial. C'était dans une grosse trousse. C'est vraiment. Et tu surveillais les examens ou juste Non, non, j'étais pion, j'étais en internat, c'était... Ah, en internat. En internat, externat, ouais. Okay. Très, très bonnes ambiances. Ouais. Excuse-moi, tu fais preuve d'ironie. Non, c'était... alors, c'est particulier parce que comme j'étais assez jeune... 20 ans. 20 ans. J'essayais, je voulais être un peu être pote avec les élèves. Ah, tu sais, qui m'aiment bien. Bah, surtout qu'il y en a des... Enfin oui, c'est un peu... Il y a des cool kids quand même, un peu dans le truc. Peu. D'accord. Donc, quand tu représentes l'autorité, ils sont pas là pour être vraiment ton pote, ils sont là oui, pour gratter la Ou alors c'est pour, ouais... C'est pour obtenir des petites faveurs. Je parle pas du tout de trucs non bien sûr non, mais... évidemment illicite ouais. Et du coup c'était très compliqué, j'étais toujours entre deux eaux, donc de temps en temps j'étais très sympa et puis après je devenais tout rouge. T'as mal géré, c'est là que t'es devenu schizophrène exactement et que t'as intégré le centre exactement t'as fait ça du coup avant ou après bien après d'accord. Ouais. Okay. Quoi de boulot quand j'étais étudiant. Pion. Attends, t'as fait ça bien après l'hôpital psychiatrique. On rappelle qu'on parle de mes boulots. Hein. Oui, bah donc, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Non, mais je voulais pas que les gens s'imaginent que j'avais été dans l'hôpital psychiatrique. D'accord, après. Mais ouais. T'as fait ça bien après avoir bossé dans l'hôpital psychiatrique. Parce que t'étais mineur. J'étais mineur. Ouais, c'est fou. J'avais 16 ans. En plus, on a le droit de travailler. Mais ces deux métiers-là, t'as été mineur. Ouais, oh, bien ou pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient vraiment l'esprit totalement ailleurs et toi, t'avais 16 piges et tu dis, faut revenir à la réalité. Non, je rappelle mec, que tu délires ou quoi. Je faisais le ménage, hein, j'étais pas censé. Ah, okay. Ouais. Il était pas psy. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, allez, assieds-vous. On va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Écoute, par exemple, moi, je sors du collège. Est-ce que vous connaissez la Nintendo? C'est charmé, moi j'adore. Et ouais, donc pion, bon bah ambiance scandale. Ambiance scandale, danse de vandale. Grosse répression anti-drogue pour ma part. Ah oui. Ouais. Ah oui, donc ça va pas être très drôle à faire. Mais je remarque que t'as bossé que dans des endroits où les gens sont enfermés. Ouais. Ouais. Asile, ça te plaît en fait. Ça te plaît, c'est genre c'est studio bagel. C'est ton kiff, c'est bien priver les gens de liberté. Mais du médiamétrie, coup, ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que du coup, après, t'as commencé à bosser dans le montage à quel âge? 29 ans. 29 ans, ah oui, d'accord. Donc, j'étais musicien avant. Bah oui, c'est ça, j'allais y venir. C'est un vrai métier. Ouais. C'était une vocation. Mais à quel moment tu te dis, tu faisais des petits. Tu continuais à faire des petits boulots en même temps que t'étais musicien ou t'as changé du tout au tout? Non, attends. T'as changé d'Audrey Tautou même. Il y avait le cousin d'Audrey Tautou à l'internat où je travaillais. C'est très drôle que tu dis ça. Et lui il m'avait bien eu parce qu'un jour il m'a dit moi je faisais de la guitare. Il t'a dit qu'il était le cousin et un jour il m'a dit ouais si tu veux ça te dirait de venir avec moi et ma cousine on ira acheter une guitare pour moi à Pigalle. C'est son autre cousine. Et j'étais là non mais si tu veux tu peux garder la lumière allumée, y a pas de souci, ça me dérange pas. Et il m'a évidemment jamais emmené à acheter une guitare avec moi. Il essayait d'avoir des faveurs. Ah ok. Tu m'écoutes pas en fait. Peu. Luciole n'avait pas compris non plus. Mais maintenant c'est bon. Ouais, mais il l'a fait des mois, il peut moins. Parce qu'il n'avait pas non plus, donc personne n'avait compris. J'ai déduit le truc après. Je me suis très mal expliqué. D'accord, mais donc du coup, tu continuais les petits boulots quand tu faisais de la musique ou pas du tout? C'est-à-dire que j'ai commencé la musique comme passion. Oui, donc oui, je faisais du punk hardcore qui était absolument sans aucune ambition professionnelle. Le nom du groupe? Judo Boy à l'époque. Non, j'aime bien. Par rapport au judo? Par rapport au manga. Non, par rapport au judo. Il attaque Judo Boy. Et de Judo Boy. Référence à Samouraï. C'est un dessin animé. C'est une rêve geek que j'adore. Mais tu l'as? Pas du tout. C'est vrai, t'as jamais vu Judo Boy? J'ai pas vu de Judo Boy. C'est un animé. C'est un animé japonais. Ouais, un animé. Moi, je suis nul à chier en animé japonais. Bah, c'est très vieux aussi. Très vieux. On est vraiment dans la tranche vieille. Mais du coup, ça fait mal. Mais du coup, vous faisiez du judo ou pas? Non. Il était comptable. Du tennis. C'était une femme en plus, donc elle, tout fou. Elle était comptable. Ouais. Non, ouais, bah ouais, il faisait du judo le mec. Ouais. Mais il disait, tu frappes comme un samouraï, donc au judo, tu frappes pas normalement. Ouais. Bah non, tu chopes le gars, tu lui fais une petite, un petit. Des clés. Voilà, des clés. Hakim, un autre métier que tu as fait à un moment où tu te dis. C'est vrai. Des clés aussi. Pas terrible, ma blague. Moi, mon métier, c'est de faire des blagues justement. Donc c'est peut-être mal barré. Mais c'est un petit métier que je fais à côté, hein. Ouais, vous voilà, inquiétez pas. Vrai, j'ai été barman une fois et je connais rien aux alcools. Bah tu bois pas déjà. Voilà, non. Donc du coup, je me rappelle que moi j'ai passé l'entretien en disant bah ouais je sais faire. Et, et quand j'ai commencé, rien que le premier jour, il y a une nana qui m'a demandé un kir et je cherchais la bouteille de kir ouais. Parce que pour moi c'était un alcool quoi. Et je savais pas que c'était un mélange. Alors heureusement je savais qu'il y avait un autre mec avec moi, donc qui allait entre guillemets me former, me filer des tips quand j'aurais besoin quoi. Et voilà, donc, ouais, il te forme, ouais, voilà. Mais vraiment de la base quoi. Ouais, c'est ouais, vraiment, non, mais je connaissais que dalle. Si t'essayais d'être pompier et qu'on te dit alors le principe du feu c'est, ouais, que ça brûle un peu, ouais, et du coup faut pas s'en approcher. Ouais, non, je connaissais que, en fait je connaissais pas tout ce qui était cocktail etc. Si après on me demandait un whisky, je savais, voilà, il y avait un trait sur le verre et puis je me trompais pas, ouais, quoi. Et je me rappelle que une fois le patron a eu besoin de, je sais plus, il y a eu un truc qui était déconnecté parce qu'en fait ça faisait bar et au-dessus ça faisait hôtel 2 étoiles ou un truc dans le genre. Ok. Et il a un souci dans une chambre et il me dit ouais, il y en a pas un de vous qui peut m'aider pour ça, et je monte, donc il y avait un souci électrique et un truc avec la table et je gère le truc. Ce qui fait qu'il me dit ah mais vous savez, vous êtes un petit peu bricoleur. Je dis, ouais. Vous êtes informaticien. Voilà. Ah ouais. Et je dis bah pas bricoleur. Ouais, enfin je me débrouille quand il y a des trucs un peu simples. Lui il venait de, il était très on va dire chic, mondain. Ouais. Il voulait pas salir les mains. Voilà. À 2 étoiles quand même donc. Voilà. Et du coup je me rappelle d'un le 14 juillet à l'arrivée et on était sur le bord de mer. Et je sais pas, je lui, moi en parallèle je faisais mes études de commerce et je lui dis ah ce serait pas mal de faire passer des guirlandes sur la terrasse, histoire que ce soit plus joli, ça attire les gens. Tout le 14 juillet, les gens ils vont vouloir se poser là où, tu vois. Petite ambition artistique. Voilà. Voilà. Et il me dit, ah, excellente idée et tout. Il me dit, ah, du coup, faudrait faire passer un fil électrique sous la terrasse. Et sous la terrasse, donc c'était du sable, etc. Et puis le soir, bon, il y avait des tox qui traînaient là, donc il y avait potentiellement des seringues, des mégots, des machins. Et il me dit, ouais, faudrait passer un câble pour alimenter et tout. Je dis, ah, ouais, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Il dit, bah. Et là, il me regarde. Il me regarde et il attend. Et je... Donc il y a une gêne qui se met en place. Il dit, vous passeriez pas, vous, sous la terrasse? Je dis, bah non, moi, je suis barman. Enfin, je suis déjà à peine barman. Ouais. Et il me dit, ah, oh, vous pourriez être sympa. Je dis, bah non, parce que là, il y a en fait 20 cm. Je vais pas, oui, me traîner sous, ouais, la terrasse alors que c'est crade. Ah, il voulait que tu rampes. Il voulait que je rampe sous la terrasse avec le câble. Ah ouais, alors que bah, j'étais, non, en chemise, pantalon noir. Ouais, non. Et je lui dis, bah non, je vais pas faire ça. Il me dit, ouais, vous êtes pas sympa. Il est venu à la charge pendant une demi-heure. Jusqu'à ce que je lui fasse comprendre que je le. Que t'allais lui niquer ça. Il est actuellement toujours sous la terrasse, le mec. Ah non, mais il m'a fait des reproches, genre, ouais, vous êtes pas commercial, enfin, vous pourriez faire des efforts pour la boîte, etc. Oh là là, ça je déteste. Bah, déjà, le sacrifice pour l'entreprise, c'est vraiment un truc que j'ai envie de crever déjà. Mmh. C'est, ouais, genre, bon, allez, arrête. J'ai trouvé un article qui parle du top 10 des petits jobs que les gens préfèrent faire. Après, c'est cool. Après, j'aurai l'inverse. Ah oui. Numéro 1, alors ça me surprend, mais c'est babysitter. C'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc. Pourquoi ça te surprend, toi? Bah, pour moi, gérer des enfants, c'est un peu le stress et la pression. Ouais, parce que dans la tête des gens, ils vont dormir. Oui, oui, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que le gosse dort et toi, tu regardes un film et t'es payé. Pour, oui, eux, c'est ça. Dans leur tête. Ouais, personne n'a, ouais, fait du babysitting autour de la table. C'est toi un peu, si, Lucien. T'es arrivé bourré? Non, je réfléchis, mais non, je crois pas. Et non, mais c'est très cool. Mais après, j'aime bien les enfants. Mais à partir de, ouais, quand ils savent parler, enfin pas les bébés, ça je peux pas gérer parce que pareil c'est trop de boulot. Ouais, mais 17 plus ans, quoi. 17 ans ça devient cool et tu peux boire avec eux et tout. Ouais. Non, vraiment. Et puis tu peux niquer leur père. Ah ouais, vraiment 4 ans, c'est cool. Et là en fait c'est ça, ils dorment et puis toi, ouais, tu regardes la télé. Ils sont impressionnés aussi. Moi j'en ai fait un tout petit cool, peu, quoi, aussi, mais tu sais, genre du voisinage, quoi. Ouais. J'étais le seul ado du voisinage, donc du coup j'étais babysitter. Mm-hmm. Et en fait ils sont un peu impressionnés d'avoir quelqu'un de nouveau dans leur maison, oui, et tout. C'est donc ça. En fait ils en général, tiennent un carreau, ouais, en fait. Exactement. Ça marche qu'une fois, ça. Au bout de la troisième fois, ils te respectent. Non, parce que plus. Je les tabassais. Ah. Oui, voilà, non, bah oui, bien sûr. Astuce. Toujours un couteau sur soi. Toujours. Celui-là, j'aurais adoré l'avoir. Enfin après moi j'ai fait la SPA, c'était pas loin. De devenir pet sitter. Ah, donc c'est grave. Comme babysitter mais pour les animaux, tout simplement. Garde d'animaux en général est un très bon plan pour mettre du beurre dans les épinards. Les amoureux des chats proposent de garder un chat chez eux pour 10€ par jour. Si vous préférez les chiens, vous pouvez gagner entre 10 et 15€ pour devenir dog sitter. D'où c'est plus cher? Parce qu'il faut, ouais, les sortir, si, ouais, faut les sortir. Okay, ouais. Je retire, pardon. Ouais, retire, ouais. Tu couperas, Flo. Proposer ses services de traduction, devenir traducteur. Voilà, okay. C'est vraiment pas un petit job, c'est un vrai métier, quoi. Ouais, oui, ouais, oui, de ouf. Il y a des études pour ingénieur. Ça. Apparemment. Non, je t'explique. Petit boulot de gens qui adoreraient le faire. Pape. En fait, il y a, ouais, beaucoup psychiatre. De. Apparemment, il y a beaucoup de demandes. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ils cherchent souvent des président gens des États-Unis aussi. C'est très demandé. Mais pour des petits trucs, en fait, tu vois, c'est. Non, en fait, ça peut être un petit boulot. Oui, oui. Mais pour, genre, allez, pour ton oncle, la boîte de ton oncle, quoi. Non mais il a son site internet, il a besoin d'une traduction et tu le fais quoi. Oui c'est ça ouais. Ça c'est un métier, je savais même pas que c'était considéré comme un métier. Comme un vrai métier, c'est un peu insultant pour les gens qui le font du coup mais est-ce que c'est profession enculeur. C'est policier, non. Profession enculeur, pour expliquer aux gens qui ont peut-être pas le contexte. Je l'ai posté en story mais c'est Patrick Beau que je salue qui m'a signalé qu'il y a un film porno qui existe qui s'appelle Profession enculeur, qui est le meilleur titre, et il y en a 8. Ouais, le meilleur dans le volume 8. Il y en a 8. Voilà, profession enculeur. Soit le même nombre que Fast and Furious. Ouais, il y a autant de professions enculeurs que enculeur dans une Tesla. Ouais. Le titre de. Joli. Oui. C'était le titre de travail. Hein, de donc, oui, devenir chineur. Voilà, c'est arpenter des brocantes et des vides-greniers. Et négocier un peu pour faire baisser les prix afin de les revendre avec une petite marge supplémentaire. Putain, souvent, c'est une très grosse marge. Brocanteur. Okay. Soutien scolaire. Ça, pas mal d'amis qui l'ont fait, ça. Mon frère l'a fait, ça. Alors, est-ce que c'est bien? Alors on vous a pris tant d'heures et il a toujours deux. Ah ouais c'est ça. Et en fait, mais là c'est lui qui est con. Hein. Ouais c'est ça. Et toi tu peux répondre. Jouer avec du papier bulle pendant une heure. Non mais surtout tu peux répondre. Oui bah je suis pas prof. Hein. Je suis moi je fais. J'aide. Allez vous plaindre au prof déjà. Moi aussi j'ai deux. Hein. Moi aussi j'ai deux. Je donne des cours hein, donc. On peut s'en sortir. photographe. Non, mais alors là, c'est insultant. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment métier quoi. Là, c'est vraiment. Bah, attends, c'est appuyer sur un bouton, c'est facile. Ouais, grave. Bah, écoute, non, moi, je te dis ce que dit le top. Ouais. proposer service de réparation et de décoration. Voilà. Non, là, c'est plus des petits. Ouais, là, c'est n'importe quoi. Réanimation. Scénariste. Assistant informatique. Ouais, ça, j'ai fait. Ouais. Personal shopper, c'est-à-dire que tu vas faire les courses pour les gens. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, mais ça, je pense qu'avec Amazon, c'est un peu terminé quand même un peu. Les gens. Bah non, parce qu'il y a, oui, ouais. Les fringues. Non, mais c'est genre, ils t'achètent des trucs de goût, toi. C'est les gens qui ont pas de goût pour s'habiller, ils vont dire, mais attends, toi, il te faut ça avec une petite veste. Oui, voilà. Et tu mets telle couleur avec telle couleur. Un métier que je. Oui, c'est ça. C'est vraiment un métier que je pourrais vraiment ne pas faire. C'est j'ai un mariage, j'ai envie d'être bien habillé, quoi. La main verte, jardinier à domicile. Attends, ouais, c'est la main verte, tu la rajoutes, c'est toi qui. Non, il y avait écrit pour ceux qui ont la main verte. Ah, d'accord. Devenir jardinier. Je crois que tu avais ajouté la main verte pour finir. comme une petite chronique sur RTL2. Non, c'est numéro 10. C'est pour les gens qui aiment jardiner, le jardinage. Oui, c'est dit comme ça a l'air super simple, mais quand t'as des haies super hautes, etc. C'est ouais, mais c'est ton de la pousse, quoi. Pour l'avoir fait. Pas si dur. Mais ton rap est du métier. Ouais, mon père est jardinier et je l'aidais les étés. Et tu faisais les haies. Ouais, taillais les haies, mais moi le problème droit. C'est que je voyais rien, donc c'était pas très droit. Ouais. Mais les tours de la pelouse étaient super cool. En revanche, j'ai failli me blesser comme un connard parce que j'avais bloqué la lame et je n'avais pas éteint la pelouse et j'ai essayé d'enlever la pelouse. Ça ne s'éteint pas. Hein. Ouais, non, mais moi j'ai éteint la pelouse aussi. La tondeuse. J'ai dit éteindre la pelouse. Oui. Ouais. Ce qui est bon. Qui n'a jamais éteint la pelouse? Donne-moi cette pelouse. Non, la tondeuse et j'ai failli me faire bouffer le doigt par une lame. Voilà. Donc je vous le dis, c'est pas si facile que ça. Carnivore les tondeuses, c'est vrai. Faut faire très gaffe. Et maintenant j'ai les 20 métiers les moins appréciés. On va rire. Je vais dans le décroissant, à savoir du moins pire au du moins pire au plus pire. Oui. Okay. J'espère qu'il y a vendre des pommes parce que vraiment il mérite sa place. Il y a alors j'étais très surpris sapeur pompier. Voilà. Parce que les gens ont peur de mourir en fait. Non. Ouais. Mais ça, là, on n'est plus dans les petits métiers. Oui, c'est ça. Non, là, c'est plus les petits métiers, pardon. D'accord. Non. J'ai fait sapeur-pompier là cet été. Nul. Ah, nul. Je faisais ça en extra. Ouais, j'ai fait deux semaines. Mon vrai taf, c'est quand. Mon vrai taf, c'est quand même de donner des cours. Non, mais t'as raison. En gros, là, je vous dis vraiment les métiers. En fait, c'est parce que je suis sur le Figaro étudiant. Mais c'est vraiment les métiers en règle générale. Mais les gens qui ont voté sont les gens de leur propre du propre métier. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait un sondage dans chaque corps de métier et ils ont mis un top des gens qui sont le moins satisfaits de leur d'accord, taf. Okay. Voilà, les gens qui sont le moins heureux dans leur taf. D'accord. Ah, ça fait plaisir. Les plus heureux, c'est les babysitters. Arrête maintenant. Bon, ok. Je tu vois bien que je suis au bout du rouleau. sapeur-pompier, donc, en moins pire. Analyste financier. Chef de publicité. Bon, alors ils ont inventé. Ils ont inventé, là, le Figaro. Ouais. Non, bah, le mec a fait une liste, il a dit des métiers. Enfin, personne n'a dit conseiller financier. Écoute, tu m'emmerdes. Non, ils sont allés dans tous les métiers. Non, en fait, ils ont juste demandé aux gens qui faisaient un métier s'ils étaient heureux ou pas. Et ils ont demandé à 10 personnes. Ouais, c'est ça, par contre, ouais, je pense que. Responsable à CRM. Bon, allez. Oui, c'est précis, ça. Tu sais ce que c'est ou pas? Pas du tout. Parce que c'est de la com, et je sais que t'as bossé un peu dans la communication. C'est t'as fait des études là-dedans. Ouais. C'est en gros, c'est ceux qui mettent en place un programme de relation avec le client via un dispositif de recrutement et de fidélisation. Bah ouais, les gens citent ce métier spontanément, souvent, quoi. Ouais. C'est les gens du métier qui parlent. Bah, non, mais là, c'est les, bon, c'est les écoute, acheteurs du Figaro, déjà. J'en ai marre de parler à Adrien Méniel, j'aimerais parler un peu à Aznavour. Monsieur Aznavour. Aznavour ne parle pas, en fait. Il émet des sons. Il fait des petits vibrato. Est-ce que vous pensez que cette liste, c'est de la flûte? Est-ce qu'on peut avoir le dernier? Elle commence mal, en fait. Le pire. Non, laisse-moi faire mon petit top. Dis-moi la liste des métiers les plus achetés. Très important de s'éloigner du micro au dernier. Quand t'as plus rien à dire. Enfin, c'est ce que m'a dit Charlie. Téléconseiller, agent d'accueil. Ah! Tu vois, on commence à téléconseiller, c'est. C'est au téléphone, c'est ce que t'as. Oui. Bon, c'est pas vraiment ce que t'as non, fait. Non, c'est pas ce que je fais, moi je faisais du démarchage. Des pompes, ça mais téléconseiller, tu conseillais quoi en fait au téléphone Je sais pas, moi j'en sais rien, il y a juste écrit téléconseiller. Hein. Enfin, oui. Tu sais, bah, tu dis, pas... ah, j'ai essayé dans un écran Samsung et Philips. Et dit, bah prenez le Samsung, je suis téléconseiller. Elle est drôle. Elle ferait beaucoup rire les gens qui travaillent. Je vais faire revenir le Grumpy Cat bientôt. Ah oui, meilleur personnage. Ah, c'est un petit perso que je bosse. Oh, arrêtez, j'ai envie de manger des couchettes. Allez, j'en ai plus qu'un. Alors là, vraiment, j'ai des poils. Agent d'accueil, planificateur de production. Agent d'accueil, du coup, c'est ce que t'as fait. Ouais, c'est ta d'accueil, ouais, c'est la pire chose. C'est un peu il mérite vraiment sa place. Vendeur, magasinier, infirmier. Consultant en communication, informaticien, youtubeur, non je présente, attaché de presse, webmaster, employé du nettoyage, on est au numéro 6. Ah, j'ai fait ça. T'as fait ça? Bah oui, dans l'asile. Oui, voilà. Bah bien sûr, analyste ERP, alors ça je sais pas ce que ça veut dire, ERP, en République. J'aime trop faire des réductions de mots comme si on les connaissait tous. Ouais. Bah peut-être les lecteurs du Figaro le connaissent. Hein. J'ai fait semblant. Attends, j'essaie fois, de deviner, non, essaye de deviner. Analyste ERP, c'est quoi ERP? Moi je dirais. On n'aurait pas la réponse en plus. Analyste de l'éducation de la République Piscivore. Elle marche, moi je suis ok. C'est vrai que c'est chiant. C'est, Non, je sais pas ce que veut dire ERP. En revanche, je peux te le dire, c'est un c'est quelqu'un qui est employé par une société de services en ingénierie informatique. Il est envoyé le plus souvent par les centres de formation proposés par les éditeurs où l'on apprend entre autres le fonctionnement de progiciels. Les meilleures pratiques pour utiliser des logiciels de gestion pour s'adapter plus rapidement. Et t'imagines quand on te demande c'est quoi ton taf et que tu dois répondre ça. Bah, c'est passionnant. C'est pour ça que tu détestes. Ouais. Ouais, mais c'est ce qui est toujours un peu. Après, tu demandes aux gens de faire des pompes, des trucs. opérateur qualité, numéro 4. Ouais. Agent de police, ça, numéro 3. Ah, enseignant, numéro 2. Ah, et, à votre avis, le numéro 1. Mineur. Non. Ah, attends. Les gens le font un peu moins. Mineur, c'est très triste. C'est un métier qualifié. CRS. C'est très difficile de trouver. Non. Non, on va trouver facile. Non. Est-ce que c'est encore un truc avec des anagrammes? Ouais. Non. C'est contrôleur qualité. C'est ODD. Ah, contrôleur RATP. Non. Ou attends, je suis très surpris qu'il n'y soit pas d'ailleurs. Est-ce que péage, travail au péage? Non. Parce que moi c'était T'es bien payé. Ah ouais, mais ah ouais, c'est chiant quand même, tu te fais chier. Ouais. Sur d'ailleurs, les autoroutes, je préfère être au péage que être contrôleur filer des amendes aux gens, ça me. Oui, ouais, je suis d'accord. Bah après tu les raquettes. Non. Tu les raquettes, hein, si t'es au PH, et, tu vois, c'est pas tellement mieux. Oh, prends ça, Macron. Allez, c'est Macron, justement. Gilet jaune. Non. Est-ce que c'est un métier où t'es en contact avec d'autres personnes? Oui. Bon, méprise-moi plus. C'est pas moi qui parlais. C'était le Grumpy Cat. Oui, je l'ai lu. Oui. Dealer, t'as dit? Videur. Ah. Non, pas videur. On l'a dit plutôt, Videur. Ah, oui. Vidoc. Non, c'est pas Vidoc. Depardieu. Non, pas Depardieu. C'est relou d'être Depardieu. C'est un peu relou. Physique. Oui, mais si t'es Vidoc, t'es Depardieu qui fait du karaté. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est physique? Non, pas du tout. Est-ce que c'est pas du tout? Non. C'est intellectuel. C'est oui, c'est dans caissier, le milieu. Caissier. Non. C'est dans BHL. Le milieu du droit. Greffier. Non. Avocat? Ah, non. Si. Je pense pas que vous trouverez, hein, franchement. C'est pas je suis désolé. Non, non, pas notaire. C'est le notaire. Le mec qui vient toquer à ta porte quand tu. C'est Claire de notaire. Claire de notaire. Ah, c'est ça. Tu vois, j'allais dire. Claire de notaire qui est une chanson d'Aznavour aussi, je crois. Le clair de notaire. Tu regardes, c'est dans son cabinet. Bon, moi j'aime pas trop Miaou. Elle ressemble beaucoup à l'autre. Voilà, c'était des. C'est, elles sont pas sorties donc c'est un peu des, ouais, des ébauches. C'est le worst of d'Aznavour, c'est les vampires. Le mec qui t'a à ta porte quand t'as des dettes, comment on dit? Eh ben, l'inspecteur des impôts. Ah non, l'huissier. L'huissier. Ah, ouais. Voilà. Il y a plein de métiers. Il y a pas caissier. Il y avait vendeur, je sais pas. Ah, si, ouais. Ouais, non, cette liste est préjudiciable. Potentiellement de la merde. Hein. J'ai vraiment mis une liste des pires métiers. Ouais, c'est premier genre le Figaro, quoi. C'est ça. Figaro étudiant. Donc il dit, bon, il y a conseiller financier, bien sûr. Mais ça ne parle à personne, le Figaro. Personne. Les amis, parce que là, le podcast a bien, bien avancé. J'ai des questions des auditeurs quand j'ai dit que vous étiez invité. Ouais. Alors je les prends un petit peu dans le désordre. Luciole, peut-on savoir ce que tu fais sur la chaîne de Squeezie en termes de travail? Alors tout simplement, maintenant je suis à Webedia. Ouais. Depuis le mois de janvier et je suis en fait collaboratrice artistique de Lucas, enfin de sa chaîne. Voilà. Donc je bosse avec lui au quotidien et j'écris, enfin je l'aide à écrire ses vidéos, à trouver des trucs. Il a plusieurs chaînes, etc. Enfin il a, oui, il a pas mal des concepts de vidéos. Ouais. Voilà. Et du coup voilà, je l'aide à trouver les concepts, à écrire des vidéos. Ouais. Il peut arriver un jour en disant j'ai envie de faire une vidéo sur tel truc. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et voilà. Et puis je l'aide à écrire dessus et puis tout simplement. Est-ce que tu peux lui dire que quand non j'arrête. Mais qu'il s'aide des conseils. À chaque fois on le fait. Ouais, j'ai pas trop aimé la vidéo qu'il a fait il y a 6 ans sur ça. Je lui dirai avec grand plaisir. D'ailleurs Lucien, alors j'ai une question d'un Adrien M. Est-ce que tu es Squeezie First? Voilà. Non, mais c'est sa question. Totalement. Tu es Squeezie First. Très bien. Squeezie First. Voilà. Bien sûr. Est-ce que tu as coécrit la chanson qu'il a fait avec Cyprien? Laquelle? Parce qu'il y en a eu trois. Celle où il se réconcilie. Alors tout le projet de Squeezie First, Cyprien First, j'étais pas encore là. D'accord. Ah, tu es arrivé après. En fait, genre, j'étais là, mais ils en avaient parlé en amont, etc. C'était déjà en et place. Voilà, ils en ont parlé. C'était déjà amont. En place. Et moi, je suis arrivé, tout était déjà fait et tout. D'accord. Simplement. Donc t'es arrivé après ça. Ah, donc c'est récent. Voilà. Quand même. Et j'ai juste aidé à écrire vite fait les textes pour la musique. Ok. Mais j'avais aucune DA dessus. C'est-à-dire que il m'a juste dit jouer, écrire ce son, nanana, et j'ai juste aidé à trouver des petites vannes. D'accord. Et c'est tout quoi. Ok. Adrien, pourquoi Phantom Force a été repoussé? Sachant que si vous écoutez ce podcast, il arrive dans 4 jours. J'espère. Je n'ose plus annoncer. Parce que ça sort quand ce podcast? Le podcast sort lundi. D'accord. Voilà. Je n'ose plus annoncer de date. Du coup. Déjà, c'est. Voilà. Non, mais c'est pas très grave en soi, la raison. C'est pas très grave. C'est toujours un peu nul de dire ça sort demain. Et le jour même, tu dis en fait, non. Bah, t'as été ridicule, hein, tu le sais. J'ai été grotesque. les gens se sont désabonnés. Voilà. Non, mais bon, il y a raison. Il y a un peu le côté, le soufflet qui retombe un peu nul, quoi. Ouais, toujours. Non, en fait, en gros, on nous a envoyé le PAD, qui veut dire prêt à diffuser, qui est en gros la vidéo qui va être mise en ligne. On nous l'a envoyé le jour même de la mise en ligne et il s'avère qu'il y avait des problèmes, des trucs qui nous allaient pas et du coup on voulait pas mettre en ligne cette version là et il était trop tard pour faire, enfin c'était même impossible de faire les modifs parce que la personne qui voulait faire n'était pas là. Donc on a dit on sort plus tard quoi, on sort le truc donc plus tard. Ça veut dire que la vidéo qui va sortir n'est pas la version qui a déjà été diffusée sur Canal. C'est remonté un peu. Non, normalement, en fait, il y a eu pas mal de en gros, pour être tout à fait transparent, nous, on avait fait une version, genre, on avait dit, voilà, ça, c'est la version définitive. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un texte, une voix en off, qui n'était pas cohérente, enfin, qui posait problème. Et du coup, on a dit... Ah, attendez, il faut qu'on refasse une version. On vire juste cette voix, ça change rien, c'est juste au son, on l'enlève. Donc, on l'a enlevé. On a fait la version sans cette voix. Et on a dit, voilà, ça, c'est la version finale. Et c'est l'autre version, la version précédente qui a été diffusée sur Canal. Donc, du coup, on a dit, bon, ok. Admettons que c'est. On va dire que du coup, c'est ça la bonne version, machin. On justifiera. Si jamais il y a une suite, on justifiera. Scénaristiquement, qu'on entend cette voix-là. Et dans la version qu'ils nous ont envoyée pour la mise en ligne, c'était la version sans la voix. Donc un du coup, il y a une incohérence. Il y a deux versions qui existent, c'est pas possible quoi. Donc ça a plus des petits problèmes techniques. On a dit c'est pas possible. Donc on a repoussé la mise en ligne de à la semaine jours. Prochaine. On sait pas quand exactement. Et on espère que la semaine prochaine ça sort, quoi. Mais après, à savoir, c'est peut-être cette semaine pour les gens qui écoutent. Voilà, mais comme je disais, normalement ça devait sortir fin mai. Ouais. Et genre mardi, on nous a dit, ça sort jeudi. Donc ouais, on était genre, ah, c'est en avance. C'est dans pas longtemps. Ouais. Et en même temps, c'était cool parce que c'était en avance. Mais bon, donc du coup, au final, ça va sortir plus tôt que prévu. Mais, et du coup, vous avez quand prévu même... une suite Peut-être. On sait pas. D'accord. Hakim, oui. as-tu dû attendre d'être à Paris pour commencer la scène ou faisais-tu déjà quelques trucs au Havre? Au Havre, il n'y avait pas de scène du tout. Il n'y avait pas de scène ouverte. Il n'y avait pas de gens. Ouais. Du coup, la scène. Ouais. Il n'y a pas la scène, mais il y a la mer. Voilà. Mmh. Ouais. Ouais. Voilà. Tu peux le mettre dans ton spectacle. Ouais, ouais, tu peux le prendre. J'attendais vraiment ça. En plus. Donc non, j'ai rien fait au Havre. Cela dit, je suis parti deux fois en colo et en colo à la fin, tu sais, tu pouvais faire des spectacles, des trucs comme ça. Ah, donc quand et même. J'ai fait en colo, j'ai fait deux fois un sketch, mais qui n'était pas de moi. Ah. Tu sais, c'était mes premières fois sur scène. Et clairement, la première fois, je l'ai fait avec un pote. On a fait un sketch d'Eric et Ramzy. D'accord. Et la deuxième fois, j'avais fait Brice de Nice à l'époque. D'accord. Et la troisième, Dieudonné, malheureusement. À l'époque, j'aurais pu. Tu vois. Mais donc la troisième fois que je suis monté sur scène, c'était avec un sketch à moi à Paris. D'accord, ok. Voilà. Donc avant Paris, j'avais rien fait. J'ai une autre question pour toi, Hakim, tant que j'y suis. Parmi tous tes courts-métrages, lequel places-tu sur une sorte de piédestal? Alors, piédestal, je sais pas, mais en tout cas, au-dessus des autres. Plus fort engouement perso, meilleure ambiance de tournage, expérience la plus enrichissante. Je te dis ça parce que personnellement, j'ai senti un avant et un après le dernier buzz. Ai-je raison? Ai-je tort? Alors, oui, effectivement. Bah, déjà, le dernier buzz, Est-ce qu'on peut dire ce que c'est? Oui, t'as raison. Le dernier buzz, c'est une vidéo où, en gros, c'est des mecs qui vont faire un braquage. En live sur YouTube. Ouais. Et l'objectif, c'est qu'au moment où on leur donne l'argent, ils annoncent que c'est un prank. Voilà, et ça va pas se passer comme prévu. Ouais. Cette idée, je l'avais eue, j'étais encore chez Golden Moustache. Ils voulaient la mettre en pratique, mais ils commençaient à me dire ouais, on n'aura pas l'argent pour faire ça, Voilà. Et je commençais à me dire je vais peut-être partir. Ouais. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de la faire chez eux. Oui, t'as pas envie de la bâcler. J'ai pas envie peu. De la bâcler, ouais. et j'ai envie qu'elle soit sur ma chaîne en fait. Ouais. Donc je l'ai gardée de côté pendant un an, ce qui fait que quand je me suis repenché dessus, déjà j'ai changé la fin, etc. Donc elle était un peu plus aboutie au niveau de l'écriture, et puis que si elle était sortie chez Golden déjà. Ouais. Et puis j'ai pu la faire totalement comme je voulais. Et effectivement, en fait. Quand j'écrivais sur ma chaîne au tout début, j'avais zéro moyen. Je tournais avec un appareil photo et bien c'est sûr. Tout. Donc, t'as commencé, forcément... t'étais encore à Golden ou pas? Ouais, ouais c'est ouais, ça ouais. que t'as commencé. Ouais. Donc c'était vraiment un appareil photo et puis on se démerde. Ouais. Donc au fur et à mesure que les vues montaient et que ça plaisait aux gens et que les gens se disaient ah en fait il a aussi une chaîne à lui, j'ai pu avoir d'autres moyens pour le faire. Et surtout après j'ai eu le CNC, donc c'est pour ça que les vidéos ont monté en qualité parce que j'ai eu de l'argent pour payer les gens. Et du coup forcément j'ai payé les gens qui venaient gratuitement à l'époque, que j'ai pu rémunérer sur... Donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation de qualité sur les vidéos. Et puis aussi je prends plus le temps pour les faire parce que je suis pas pressé. C'est ça. Voilà. Donc toi c'est là aussi toi celle où t'es le plus fier? Je suis vraiment fier de celle-là parce que ça mélange vraiment l'univers que j'aime, c'est-à-dire humour et action. Ouais. Mais cela dit j'aime aussi beaucoup la dernière que j'ai fait chez Golden Moustache qui est covoiturage. Ouais. Tu vois donc ces deux-là sont un peu mes fiertés on va dire. Mais après il y en a plein que j'aime beaucoup et dont je suis fier. Bon, il y en a où t'as joué avec moi qui coûte que dalle, tu vois, quand on a fait Je peux vous aider. Ouais. Voilà, ça, c'est une vidéo d'une minute trente et ça coûte. Il y a trois plans à faire. C'est la première que je réalise tout seul d'ailleurs. Je peux vous aider? Ouais. Et dans lequel on peut voir Luciole bourré au fond dans le. Ouais, pas dans un truc de bricolage. Derrière, j'ai avec du papier bulle, c'est très gênant. Aslak, comment t'es-tu. Bah si, je te jure. Wow. Comment t'es-tu retrouvé à réaliser un doc sur Clint Eastwood? Fan du bonhomme, point d'interrogation? C'est toi qui l'as posé. Très peu. Oh ouais, j'ai posé une question. Et j'aimerais bien avoir la réponse. Alors. Non, déjà, est-ce qu'on peut resituer? Tu as réalisé avec Joe Hume. Joe Hume, ouais, qui est déjà venu plusieurs fois dans ce podcast. Que j'aime beaucoup, un très vieil ami. Qui bosse pour. Qui écrivait pour Rokirama, ou qui écrit toujours pour Rokirama. Je et donc, crois ce doc était pour Rokirama et Paris Première. Et du coup, on avait déjà réalisé un premier doc de 26 minutes sur. Je sais plus sur quoi. C'est horrible. Un film? Non, sur une personne. C'est horrible. Un réalisateur. Ça devient un jeu du coup. Ouais. Et ben, je vais vous laisser deviner. Un réalisateur de films d'horreur. John Carpenter, pardon. Ah oui, voilà. D'accord. Fou. Ok. On a réalisé un doc sur John Carpenter de 26 minutes et qui a plutôt qui a beaucoup plu à Rokirama et aussi à Shen qui était TCM, je crois. D'accord. Mmh. Ouais, c'est ça. Et du coup, nous proposait de réaliser un doc sur Clint Eastwood. D'accord. Donc, pas spécialement fan du bonhomme à la base, mais je le suis un peu plus devenu au fur et à mesure. En apprenant ce qu'il avait fait. Ouais. Cool. Luciole, oui. Des nouvelles du Roi Soleil? Alors, pour le Roi Soleil, déjà, il n'y a plus le filtre Snap, donc la question ne se pose pas. Mais tu peux pas récupérer les anciens filtres? En fait, soit c'est payant, soit tu les as pour un événement. Tu sais, sur Snapchat, en fait, tu peux aller chercher des filtres spéciaux, mais il faut qu'il y ait un événement, il faut que tu les payes dans un lieu précis. Je sais pas comment expliquer ça. Putain. Et du coup, c'est toute une magouille où il faut remplir des trucs. C'est un vrai truc en fait pour choper un filtre maintenant. D'accord. Et pour la petite histoire, tout est bon pour se faire du fric. Ouais, exactement. Il y avait le château de Versailles qui m'avait contacté il y a un mois maintenant. Ah et ils m'ont dit si un jour le filtre revient, tu viens au château de Versailles et tu fais un room tour. C'est fou d'être. Et du coup, j'étais. T'es prisonnier d'un filtre, quoi. C'est genre, tu peux faire une super vidéo, mais faut qu'il y ait le filtre. Et là, je fais, oui, c'est vrai, en plus, il faut qu'il y ait le filtre. Et il y a plein de gens qui m'ont contacté pour des trucs, et on peut même pas le refaire nous-mêmes, quoi. C'est pas possible. Un peu triste. C'est parce qu'il y avait aussi Thomas Gauthier qui m'avait proposé de faire un truc dans une de ses vidéos en Louis XIV. Ouais. Mais je lui dis, il n'y a pas le filtre. Il fait, on peut pas le refaire comme ça. Je lui dis, bon courage, quoi. D'où tu vas refaire un filtre? C'est vraiment beaucoup de taf de faire un truc pareil. C'est un vrai fixe. Ouais, voilà. Une question pour moi, donc je me la lis parce que je l'ai reçue plusieurs fois même sur mon Twitter. Pourquoi la sortie des épisodes de Pitch sur YouTube est-il les sorties de ces épisodes sont-ils si espacées dans le temps? Excusez-moi, il est un peu tard donc je commence à bafouiller. Pitch, c'est la série que j'ai écrit avec Baptiste Le Caplin. Eh bien parce qu'en fait ça passe sur Canal Plus, la 4, et en fait ça passe le samedi, et en ce moment le samedi il y a aussi la Formule 1, donc les épisodes des fois passent à l'as au profit de la Formule 1, donc du coup c'est un peu le bordel en organisation. Pour travailler depuis longtemps avec Canal+, c'est souvent le cas sur la mise en ligne des vidéos sur YouTube, c'est pas leur gros point fort, mais donc du coup voilà, mais les épisodes vont tous sortir sur YouTube, ça c'est le truc qu'on a réussi à imposer. Tout va sortir, il y a une trentaine d'épisodes en tout qui vont sortir, donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'il y en aura jusqu'à octobre novembre, donc voilà. Mais en l'occurrence la publication, si les gens suivaient Bloqué à l'époque, c'était le même bordel en fait. Bloqué, on savait jamais quand ça sortait puisque ça passait dans le petit journal à l'époque, celui d'Yann Barthès, donc en fait on était toujours un peu prisonnier de l'actu et tout. Là c'est un peu le même délire. Et Bloqué, les gens s'en souviennent peut-être, mais on a foutu du coup la moitié des épisodes en un mois à base de deux par jour. C'était liquidation des stocks à la fin. Ouais. Oui, parce qu'on en avait plein. Mais pourquoi se précipiter sur cette sortie À l'époque. Ouais. Bah parce qu'en fait, à l'époque, eux allaient faire Serge le Mytho, et donc ils avaient plein d'épisodes, et nous on s'est dit, mais de toute façon, Bloqué, c'est un truc les gens attendent pas la sortie d'un Bloqué, c'est un truc un peu qui se binge-watch, quand on n'a pas vu un, c'est cool. Ouais. Donc en fait, on s'est dit, on s'en fout, on en fout plein sur YouTube, les gens vont les mater. Et c'est ce qui s'est passé en vérité, ça a rien changé. Enfin, souvent les gens sur YouTube les gens sur YouTube, les professionnels de YouTube disent, faut avoir une régularité dans ce que tu sors et tout. Ouais. En l'occurrence, Bloqué, c'était. Ça n'avait rien à voir. Ouais, voilà, je pense que vu que ça dure que 2 minutes, et qu'en vrai, tu t'en mêles jamais vraiment qu'un seul, mais 3-4 d'affilée, du coup, voilà. Donc peut-être Pitch, ça fera le même délire. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, il y a une trentaine d'épisodes qui. Et ça parle de quoi, Pitch? Parce que je connais pas du tout. Pitch, en fait, c'est Baptiste Le Caplin qui joue un producteur qui s'intitule Lionel Planche. D'accord. Voilà, on aime beaucoup ce nom. Et qui est très mauvais dans son métier et qui essaye de faire du cinéma, mais qui est très nul. Mais en vrai, c'est plutôt une fausse excuse pour faire plein de blagues sur le monde du cinéma. D'accord. En fait, Baptiste est très très fan des Griffins. De Family Guy, très bon goût. Et c'est un truc, enfin l'efficacité des blagues et la violence aussi de certaines à pointer du doigt des gens connus, des trucs comme ça, il adore. Donc du coup voilà, c'est un peu l'occasion pour lui de faire tout ça, et moi je m'amuse bien, et puis quand les gens prennent mal des blagues, je dis qu'elles sont de Baptiste, voilà. Et aussi j'avais une question pour moi que je dis tout de suite, c'est comment ça se passe la rémunération des podcasts en général? Il y en a aucune, voilà, comme ça vous le savez. Mais avec Adrien, alors je ne peux pas vraiment vous annoncer la date, mais on va faire un live à la rentrée. Voilà, je dis pas le mois, je dis pas quand. Normalement, je mets des guillemets, je mets des si, des peut-être. Mais voilà, ça va enfin se faire. On va faire un live sur Paris. À la rentrée. Voilà. Je peux pas dire où, je peux pas dire quand, parce que c'est le tout début. Mais c'est sûr, voilà, c'est. Bah, c'est une super info. Voilà, je le dis aux gens que ça intéresse. Donc faudra être là, faudra être là, bien sûr, et amis auditeurs, il faudra, si vous avez envie, mais en tout cas, c'est l'occasion de nous voir en live, en public, et puis on va essayer d'en faire un truc un peu comment dire, festif. Ouais, festif, et puis c'est pas souvent qu'on le fera, je pense, donc d'en faire un peu un événement, quoi. On essaiera de faire ça. Comme Radio Star. Un peu comme Radio Star. J'adore, en vrai, j'adorerais faire Radio Star. Un tour de France et faire des podcasts un peu partout. Moi, j'adorerais qu'on le fasse. On va faire un tour de France. dans le van d'Adrien. Au niveau de l'actu, Hakim, est-ce que tu as des vidéos en préparation? Alors, j'ai deux vidéos qui sont tournées. Il y en a une que je vais sortir là. Ça, tu m'as dit ça sort lundi. Je tourne l'intro mardi, donc ça devrait sortir une semaine après, okay. Un truc dans le genre. Super. Donc voilà. Et y en a une autre qui est tournée, qui est une parodie d'un film d'horreur très connu. D'accord. On dit pas. Voilà. Plus. Ouais, je veux pas en dire trop. Ouais, très bien. Voilà, c'est une parodie d'un film d'horreur. Je suis assez content des rushs, donc ça a été l'enfer pour tourner. Je me suis embrouillé avec le voisin parce qu'on tournait la nuit et à un moment où je devais crier, il y a un voisin qui a fait c'est pas fini ce bordel, et j'ai dit non. Et voilà, c'est tout. Ouais. Pour le moment, objectivement, t'es très très en tort. Hein. Je te le dis. Il était 21h30. Donc ok, ça va. Oui, c'est vrai. Il était même pas 22h, le gars se plaignait du bruit. Donc il y a eu ça. Et après, il venait de se faire appeler par Aslak. Enfin, tu vois, il avait passé vraiment une sale soirée. Il embauchait à 4h dans un magasin de bricolage. Donc ouais, il y a deux vidéos qui vont sortir sur YouTube très prochainement, qui sont mes dernières financées par le CNC et en partie par le CNC, pardon. Et là, je finis mon spectacle le 30 juin. Je joue deux fois par semaine mon spectacle. D'accord. On peut rappeler où déjà? Au Beau Saint-Martin. Voilà. C'est près de République. Voilà, je joue deux fois par semaine, dimanche, lundi à 20h. Donc voilà, je fais ça deux fois par semaine jusqu'au 30 juin. Et après, je me mets en pause complète parce que je réalise mon premier film. Oh, bravo. Trop bien. Voilà. Et belle annonce. Voilà. Trop vrai, stylé. On le savait vraiment même pas nous, donc voilà. J'ai voulu la faire comme Très stylé. Comme très stylé. Nicolas Hulot. C'est une vraie info. Là, comment elle a réagi? C'est une vraie info. Donc ouais, okay, je réalise mon tout premier film. Oui, donc t'as vraiment un peu de te concentrer là-dessus, voilà. Quoi. Que t'as écrit? Ouais. Trop cool. Je l'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec. En fait, c'est une idée de moi. Et je l'ai coécrit avec mon pote Kaza, avec qui j'écris régulièrement mes vidéos sur YouTube. Et donc on a été validé la semaine dernière. Ça part en prod. Trop bien. Félicitations. Voilà, merci les gars. Ah, et du coup, c'est financé par Golden Moustache. Voilà, donc ça va se passer dans une cave. Il y aura deux personnages. On tourne ça au GH5. Donc, non, premier film ciné, c'est avec Légende. D'accord. Ceux qui ont produit le film Max et Léon, bien sûr, Palmacho, okay, Casse Départ, etc. Voilà. Ils ont fait Coco aussi, qui a été. Bien sûr. Voilà, je vais pas parler de Coco. et donc voilà, on tourne à la fin de l'année si tout se passe bien. Donc si je vais faire que ça. Si t'as besoin d'un comédien qui fait très très bien un chanteur décédé récemment, genre Aznavour. Ouais. Bah oui, ou autre. Enfin voilà, j'en connais un, quoi. Je sais pas. Ou Julien Clerc. Ouais, c'est vrai. D'accord, mais est-ce que ton spectacle sera possible de le voir peut-être sur non, c'est pas prévu, ça a été alors compliqué. En fait là je l'arrête au mois de juin parce que je me consacre au film et voilà, j'ai pas envie de me planter, donc je vais faire que ça. Bien par sûr. Contre je reprendrai donc en janvier d'accord, 2020 okay. D'accord. Avec une nouvelle version que j'ai encore des là il fonctionne très bien, je suis très content, j'ai des très bons retours. Mais j'ai envie d'encore de l'upgrader bien et sûr. De rajouter encore des choses. Bah, tu sais, enfin on écrit tous les jours quasiment et du coup on se lasse au fur et à mesure des choses qu'on raconte, même si elles sont cool ou elles font marrer les gens. Et du coup, j'ai envie de rajouter encore des nouvelles choses constamment. Et c'est pour ça que c'est compliqué de mettre un titre à ce spectacle parce qu'il évolue. Voilà, oui, mais en fait, c'est toutes les discussions entre Seinfeld et compagnie. C'est y a ceux qui voient vraiment un spectacle comme maintenant c'est terminé, poubelle. Enfin, on le file sur internet ou en DVD et je m'en occupe plus. Et ceux qui disent en fait j'aime bien rajouter toujours des petits trucs et que ce soit toujours en constante évolution. Ouais. Et puis les gens aiment bien voir les sketchs qu'ils aiment bien de moi. Enfin, il y a ces trucs là, quoi. Alors moi, comme je suis pas encore à ce stade là, tu te dis en fait des gens qui l'ont vu, d'autres gens, ils méritent d'être vus vraiment. Ouais, bien sûr. Tant que j'ai pas fait une émission de télé ou un DVD de ce truc, tant qu'il est pas quelque part où les gens peuvent le voir, je faut me dis jouer. Que je le joue, quoi. Là, t'as raison, je pense. Et une fois que ça se sera fait, bah hop, je passerai totalement à un nouveau, quoi. Bien sûr. Luciole, aura-t-on la chance de te revoir dans une prochaine vidéo de Squeezie? J'ai adoré te voir quand vous vous changiez d'apparence. Je pense qu'ils font référence à la vidéo avec Maxence et Exactement. Seb Lafrite. Ouais, ça c'était très drôle. Très très drôle cette vidéo. Félicitations d'ailleurs. Après, c'est un peu à l'improviste en général. Hein, quand je suis dans les vidéos, c'est vraiment que c'est à l'improviste et que. D'accord. Parce que c'est voilà, c'est juste, on est une bande de potes et de temps en temps. C'est plus drôle si on est tous ensemble parce que ça se voit que c'est naturel voilà, on s'entend bien. Mais sinon, c'est totalement improvisé. Il n'y a pas de planning où je me dis alors celle-ci, là, je suis dispo. Enfin, non, c'est vraiment parce qu'on écrit ensemble. Bien sûr. Donc, c'est d'ailleurs, moi au début, je voulais pas trop être dedans parce que j'avais pas envie de me placer ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis pas du tout dans le délire, syndrome de l'imposteur ou je sais pas quoi, mais juste, j'avais pas. Enfin. Non, mais ça s'entend. J'étais genre, je m'en fous un peu et juste, il y a des choses qui se font naturellement et ça, c'était tellement naturel. Soit ça te va d'être juste auteur. Ouais, je suis très bien de mon côté. Une question, enfin ça me permet de rebondir sur une question. Est-ce que ça te donne pas envie d'avoir une chaîne YouTube à toi? Alors j'ai une chaîne YouTube, mais il y a genre 10 vidéos dessus. Et ça fait longtemps que t'en as pas posté. Exactement. Ouais. Et c'est pas trop mon, je sais pas. C'est pas trop. Je préfère écrire pour d'autres gens déjà, parce que si j'ai des envies, j'ai envie qu'elles soient bien faites et pas forcément avec mes moyens, enfin je sais pas comment dire ça, je préfère le bosser avec quelqu'un et que ce soit vraiment un truc cool. Ouais. Et en plus de mon côté, c'est j'ai d'autres trucs qui me prennent du temps et du coup et surtout cette année là, j'avais posté une dernière vidéo et après je me suis mise en boulot. Donc là ça va un peu se calmer d'ici un mois, mais voilà. Et puis tu fais des lives tous les dimanches. On c'est peut ça. Le dire aussi sur ton compte Insta. Exactement. Voilà. En live Insta. Il se passe quoi dans tes lives? Oh, c'est vraiment que du blabla tranquille. Mais avec les gens, je parle avec les gens, donc il y a un chat. Mmh. Et en vrai, la suite logique, ce serait Twitch. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas fait. Wait and see. Exactement. Je suis bilingue, hein, donc je me permets de le mettre. Wow. je suis désolé de vous jeter ça en pleine gueule. On termine très rapidement avec les recommandations de chacun. Mmh. Un truc culturel que vous avez kiffé récemment. Moi, ça va aller. Je commence, ça va aller très très vite. Je suis allé voir Kevin Smith sur scène. Alors bon, je vais pas vous recommander une fois de plus Kevin Smith parce que j'en fais que ça dans tous les podcasts. Mais Hollywood Babylon, c'est vraiment un truc très rigolo. Alors maintenant, il y a le problème de certains podcasts. Peut-être même c'est le problème d'une autre, c'est qu'il commence à avoir beaucoup de running gags où si ça fait, enfin si t'as pas écouté depuis quelques temps, t'es peut-être un petit peu en dehors. Moi, du coup, je les ai vus sur scène à Londres. Et moi j'aime bien le podcast, mais je suis pas calé en tout. Et du coup, les gens chantent des chansons dans le public. Et t'es genre, oula, ok, là j'ai raté 2-3 trucs et tout. Mais c'est un podcast très très drôle. Et en plus, ça m'a motivé à faire un podcast en live parce que je me dis que ça s'y prête bien quand même. Donc voilà. Donc ça, et le livre Art of BoJack Horseman, qui est un très beau livre. Si vous aimez la série BoJack Horseman, c'est plein de détails sur la série, sur comment ils ont fait les dessins, mais aussi comment ils ont fait le scénario, comment ils ont fait la psychologie des persos. Et sur une. Elle a sorti une nouvelle série d'ailleurs, la fille qui fait BoJack Horseman. Ah ouais? Ouais. Ah bah je m'en suis pas intéressé encore. Qui est trop bien. Et qui là, elle est créatrice. Oui, c'est ça. Elle est juste, elle a fait le character design de BoJack Horseman. Là, c'est un mec qui a créé la série. C'est ça. C'est Raphaël Bob. J'ai Raphaël Bob, j'ai pas la suite. Ouais, je sais plus. Ouais. Mais je reviens, je vous dirai le nom dans quelques secondes. Luciole ? Dans les actus. Là, bon, c'est vraiment très actu parce que c'est sorti aujourd'hui. Vaxberg, pardon. C'était le nom de Raphaël Bob. Il y a la saison 2 d'une série qui est sortie aujourd'hui, enfin ce matin. C'est The Rain. Je sais pas si vous connaissez. Ah, j'ai vu le premier épisode, je crois. Ouais, et il y a la saison 2 qui est sortie aujourd'hui. Et voilà, je le recommande parce que c'est vraiment très très bien. Oh. Et c'est une série apocalyptique, ou enfin post-apocalyptique du coup. En fait, il a plu à un moment, donc c'est une série danoise. Et il a plu, la pluie a contaminé des gens, ils sont tous morts d'un coup. C'est-à-dire que quand t'es sous la pluie, tu meurs instantanément. Résultat, il reste plus que, je sais pas, 10% de la population qui était pas sous la pluie à ce moment-là. Et du coup, ça se passe dans un monde où ils sont en post-apocalypse et ils essayent de survivre. Enfin, je peux pas trop spoiler parce que ça part vraiment très très loin. Mais il y a tout un délire de mystère, de d'où ils sortent, parce que t'es vraiment plongé dans la série comme ça sans trop de contexte. Mais elle est très très bien, voilà. Moi, ma meuf a vu Dead to Me là récemment, elle m'a dit que c'était extraordinaire aussi. Voilà. C'est sur Netflix ? C'est sur Netflix avec Christina Applegate et l'actrice dont j'ai oublié le nom de Freaks and Geek et de Linda, je sais plus quoi. Ouais, je sais plus. Bon, bref. Et qui est la meuf de Will Ferrell dans Step. Non, pas dans Step Dad, dans. Step Non, dans le truc avec Mark Wahlberg où ils sont tous les deux pères. Very Bad Dad en français. Ouais. Bon, bah voilà, bref. Ouais. Et il paraît que c'est vachement bien. Et j'ai commencé à regarder le premier épisode. Et effectivement, pour le moment, c'est vraiment le tout début. Mmh. Mais c'est vachement bien. C'est de la comédie avec beaucoup de rebondissements. Et j'aime beaucoup ça en ce moment. C'est un peu une bien. Nouvelle mode. Barry de Bill Hader, c'est ça aussi. C'est de la comédie, mais il y a des rebondissements et des cliffhangers à chaque épisode. Ça, c'est très très cool. Voilà. Et alors, c'est quoi le nom exact que je. Dead to Me, moi, la série. Ou Barry, les deux sont très bien. Aslak ? Alors moi j'en parle à tout le monde dès que je peux, donc je vois pas pourquoi je le ferais pas ici. C'est la série documentaire sur Netflix, Sunderland, sur le club de foot que vous ne connaissez pas a priori, c'est ça ? Si. Toi tu as vu la série ? Non, je connais le club de foot. Bon bah nickel. Et donc c'était un club mythique mais qui est dans le nord de l'Angleterre, ville dévastée par la catastrophe économique comme on connaît par cœur. Bien sûr. Et le club descend en deuxième ligue. Aïe. Donc c'est le drame, bah le vrai drame. Et cette série, donc c'est un documentaire qui retrace toute la saison où ils essayent de remonter en première ligue. Et c'est incroyable. Mmh. C'est incroyable, c'est pire que ça, c'est mieux qu'une fiction. Je vais dire que c'est pire qu'une fiction parce que c'est terrible, ouais. mais les caméras sont vraiment dans des endroits où je pensais pas qu'on pouvait autoriser les caméras, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de malade et même si on n'aime pas le foot, c'est juste incroyable, la réalisation est dingue, c'est magnifique, c'est magistral, j'ai envie de dire. Voilà. Dit trop bien. Sunderland. Hakimi fait ses courses. Voilà. c'est fait pour ça, non ? Bah c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Adrien. Alors moi j'ai pas grand chose parce que j'ai pris au dépourvu. Non mais voilà, je pas le temps trop en ce moment, je travaille. Ton esprit mis ailleurs ou pas ? Exact. Non, sur PS4 je joue à Days Gone. Ah. Un jeu avec des contaminés, machin, etc. Il n'a pas si bonne presse, donc c'est surprenant. Enfin, toi, ça te plaît ? Bah c'est bizarre, ouais. Moi d'habitude ce genre de jeu je m'en lasse vite, mais là. Alors après c'est parce que aussi je cherche un jeu où tu, enfin c'est pas trop prise de tête non plus et là pour le coup c'est vraiment tu tues des gens et tu fais de la moto et moi ça me va quoi. Mais en même temps je trouve que il y a un scénario autour. Ouais, alors moi souvent les gens ils disent ouais mais l'histoire elle est cool et en vrai généralement l'histoire elles sont pas si ouf, enfin tu vois dans les GTA je trouve que l'histoire on s'en bat les reins, mais Far Cry 5 ces gens étaient comme des ouf genre l'histoire pas non plus et là bah il y a une histoire que tu as plaisir à suivre mais ils ont pas cherché non plus à faire un truc de dingue. Mais je trouve que il y a un truc dans genre les scènes cinématiques sont bien jouées, bien écrites je trouve, ou souvent c'est un peu nul je trouve les cinématiques et même au niveau de l'animation il y a des trucs très subtils de jeu en fait, donc je pense que c'est de la motion capture. Genre il lève des sourcils genre ? Ouais mais à peine, non mais en vrai des trucs très subtils comme ça, je pense que c'est de la motion capture et tout, donc ça rend le truc cool et j'aime bien pour l'instant, je vais peut-être me lasser un moment mais pour l'instant j'aime bien. Et sinon alors je peux recommander tout le podcast qui s'appelle Radiolab, donc c'est en anglais mais c'est un truc sur qui parle de science mais du coup très vulgarisé et il raconte ça sous forme d'histoire. J'imaginais avec des gros mots genre c'est cette pute de merde, les enculés d'électrons non mais c'est en fait c'est toujours le prétexte est de raconter une histoire. Enfin, l'histoire est prétexte pour parler de science, mais c'est toujours sous forme d'histoire. Ouais. Donc, faut parler anglais. Et là, il y a le dernier épisode qui s'appelle Beat Flip. Et qui est. Tu l'as écouté, Aslak ? Ouais. Et c'est fou, non ? Ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou. Et en gros, je veux pas trop spoiler, mais en gros, ça raconte comment les rayonnements cosmiques, en fait, c'est des rayons. De particules qui traversent l'univers en permanence, qui sont invisibles, genre qui viennent par exemple des rayonnements solaires, etc. Et c'est des rayons qui sont chargés électriquement, quoi. Et en gros, ces trucs-là, si jamais ils passent pile sur une résistance d'un ordinateur, ça peut changer, enfin faire switcher un truc dans l'ordinateur et le faire bugger. Et c'est. En fait, c'est fou. Enfin, c'est. Black Mirror, en fait. Non, mais c'est vraiment fou, mais c'est hyper bien expliqué. Genre, ils expliquent comment fonctionnent les bits d'un ordinateur, etc. Pour ensuite t'expliquer à quel point... Oui, les bits, voilà. Oh, c'est lourd. Les couilles aussi, les couilles de l'ordi. Les couilles de l'ordos, et clavier, il a des poils. Allez, je déconne. Et justement, c'est là-dessus que les rayonnements cosmiques agissent et tout. Et c'est... assez flippant et fascinant quoi. Donc cette épisode là mais tout le podcast en vrai en particulier est vraiment très bien. Okay. Voilà. C'est vrai que c'est très bien raconté. Ouais, hein. Ouais. Bah, pour un toujours. Mec qui avait pas grand chose à dire. Ah, t'as vu, mais, il a tout... mais ça, c'est son petit truc. Mais non, non, non, non, parce que c'est Radiolab, c'est vraiment, ça fait des années. Au fond de ma besace, et là, il trouve des petites pépites. Ça fait des années que j'écoute ça. Bien sûr. Force. Hakim, alors moi j'ai 4 trucs parce que du coup j'ai bam en fonction de ce que vous avez dit autour, il va redire je me suis dit, les ah, alors c'est The Rain, c'est assez fou. Alors en jeu vidéo, moi je joue à Sekiro en ce moment. Il paraît que c'est très dur. C'est ben ouais, mais c'est kiffant de ouf. En fait, j'aime bien parce que c'est technique. Ouais. Le truc qui est frustrant, c'est quand tu joues pas une semaine, des fois tu peux perdre tes automatismes. En gros, c'est pas un jeu où tu bourrines. Il faut savoir se défendre, esquiver, se barrer, etc. Machin. Et donc c'est, et en même temps il y a un... le monde est si vaste que l'explorer ça prend des heures et des heures et c'est trop trop bien. Sekiro. Ouais. S E K I R O. Et c'est un samouraï en fait. Bon, c'est une histoire entre guillemets très simple qui est qu'a voué allégeance à un empereur. L'empereur est décédé et il doit protéger son fils qui est forcément menacé par tout ce qui est autour et il se le fait enlever et du coup comme il a juré allégeance, il fait tout ce qu'il peut pour retrouver ce gamin. Donc ça c'est cool. En série, je regarde This Is Us. Ouais. Qui est qui est vachement bien. Voilà, c'est une très belle série. Premier épisode te met une gifle. Enfin en fait non, bah, je veux pas dire, mais voilà. Résumer le concept sur trahir le premier épisode qui est vraiment une gifle. Donc, regardez le premier épisode si vous n'êtes pas convaincu. C'est sur Amazon. Des mauvaises personnes. Mais pas toutes les saisons, je crois. En tout cas, il y a la première. Il y a les deux premières sur Prime. Ah ouais, et après, je crois que c'est Canal. Ouais, Canal a les saisons d'après. Mais il y a une saison. Hein ? Je crois qu'il y a que deux saisons. Ah ouais ? Non, il y en a trois. Ah ouais ? Voilà. Donc voilà. Si vous aimez pas This Is Us, vous êtes des mauvaises personnes. Voilà, tout simplement. Voilà. Sinon, en doc, j'ai regardé. Bon, c'est il y a quelques temps, mais du coup, ça m'a fait penser à ça. J'ai regardé Wild Wild Country. Ouais, c'est ouf. Voilà, sur la secte, on peut dire. Alors, on peut le dire, ouais. Voilà, la secte qui s'était implantée aux États-Unis. Je crois que c'est dans l'Iowa ou de l'Ohio. Non, l'Oregon. L'Oregon, voilà, ouais, l'Oregon. Voilà, c'est aux États-Unis. Ouais. C'est les States. Voilà, c'était en anglais, il parlait en anglais. Et c'est en plusieurs épisodes, et j'étais absolument pas au courant de tout ça. Enfin, voilà, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Et c'est assez ouf, tout ce qui s'est passé, jusqu'où ça a été, les choses qu'ils ont réussi à faire. Et c'est bizarre parce que le documentaire est tourné de telle manière qu'au début, t'es vraiment du côté de la secte. Ouais. En disant mais attends, ils ont l'air quand même super sympas, ils sont super ouverts, et puis au fur et à mesure je dis bah ils vont peut-être un peu loin là. Là c'est la limite. Oui d'accord. Et le patron de la secte n'a même pas inventé la chaise, donc c'est vous dire. On peut le voir où ça? Il est sur Netflix. Ouais. Voilà. C'est Wild Wild West. Alors, Wild Country. Wild Wild West, c'est Will Smith. Will Smith, ce sera pas la même ambiance. Tu confonds. Il y a de la musique. Le rap est cool. La BO est de Will Smith, c'est un documentaire, mais c'est le seul. Et pour la petite histoire, il raconte. J'ai été filmé cette secte avec Monsieur Poulpe pour un épisode de Crack Crack en Inde. Ah. Voilà. Attends, la secte existe toujours ? Ouais, elle existe toujours en Inde. Waouh. Ah, t'as filmé ? Ah putain, trop bien. Alors, on n'était pas du tout dans l'optique de reproduire le doc, mais on a été filmé. Ouais, ce qui serait ridicule vu qu'il existe le doc. Ouais, laisse-moi dire. Bref. Alors, on a été filmé pour faire un stage de tantrisme avec Monsieur Poulpe. Ah. Bien sûr. Voilà. J'ai une question. T'as joué ? c'est le principe de ne pas jouer justement. Ah ouais, ça. J'ai pris énormément de plaisir. Oui, c'est le truc, c'est dans 40 ans, 40 nuits avec Josh Arnett, petite référence que je vous offre, c'est de trouver le plaisir sans c'est pénétration. Une partie cool du sexe de jouir, moi je trouve. Mais après, c'est vraiment ça les rebute quoi. Ça les mais moi, ça je le fais toute la journée de pas jouir en fait. Non, mais c'est la fin du plaisir. Actuellement, je suis en train de pas jouir déjà. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont en train de pas jouer. J'espère en tout cas. Ne m'envoyez pas des DM. Tu n'as rien compris en tantrisme. Vos gueules, c'est de l'humour. Adrien se radicalise en plein podcast. Et le tout dernier truc, c'est un pote qui le fait. Il s'appelle Seb Melia. Il fait 4 comiques dans le vent, mais à contresens. Okay. Et le dernier épisode, c'est avec Manu Payet notamment. Et c'est sur YouTube. Donc 4 comiques dans le vent mais à contresens. Et ça dure peut-être quasiment 2 heures. 1h40, un truc comme ça. Et c'est en live, c'est au Beau Saint-Martin, là où je joue mon spectacle. Voilà, ça s'est redit. donc en fait, c'est très cool parce qu'ils discutent avec des humoristes et il n'y a pas de pression. S'ils abordent des sujets comme ça, comme on a pu le faire ce soir. Oui, sur la plage à Flocas, avec des gens. et il te raconte des anecdotes qui sont vraiment folles et bon c'est un kiffant, c'est kiffant à voir. Non, c'est okay. Vraiment cool. Moi j'en ai vu, j'ai vu quelques extraits passer sur sur Facebook et c'est vraiment marrant. J'étais même un peu dégoûté parce que je voulais inviter Manu, enfin, je vais le faire quand même hein, mais je voulais inviter Manu Payet, il a déjà grillé des très belles anecdotes dans cette émission. Ouais, je pense qu'il a une vie assez folle. Donc ouais, voilà. Et puis c'est vraiment un très très bon raconteur. Ouais. Ouais, oui, Manu Payet, moi j'ai vu son spectacle Emmanuel. Bah d'ailleurs, ouais, je l'ai vu, ouais. Qui est pas joué à l'Olympique, qui va être joué à l'Olympia, je crois d'ailleurs. Peut-être fin de l'année, des places, ouais, prenez des places, franchement. Il y a un très bon délire où les 40 dernières minutes, je crois, ou 45 dernières minutes, c'est juste une soirée. Il raconte une soirée et. Storytelling, voilà. Et c'est du storytelling pendant 45 minutes et c'est vraiment très cool. C'est la partie que j'ai préférée. Ouais, moi aussi, parce qu'il arrive vraiment à tenir son truc. Et je lui ai dit, écoute, Manu, le début. Bon, ok, mais alors la fin, par contre, c'est vrai. C'est une pépite. C'est une pépite. Donc voilà, Emmanuel de Manu Payet. J'y ai pensé, j'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle. Voilà, encore besoin de raconter. Ah non. Murder Mountain. Et ça parle de. En fait, il y a une. Je sais plus dans quel état des États-Unis. En fait, il y a des montagnes. Où, genre dans les années 70, il y a des hippies qui ont cultivé de la weed, en fait, mais eux, pour leur consommation personnelle et tout. Et en fait, c'est devenu les montagnes de la weed, mais ça s'est un peu criminalisé, etc. Et en fait, c'est par le biais de, en gros, l'histoire de la disparition. C'est devenu Ozark. Bah, en vrai, c'est assez fou, quoi. Je peux pas trop en raconter, mais en gros, ils prennent le biais de une enquête autour de la disparition d'un mec dans ces montagnes pour raconter toute l'histoire de ces montagnes, comment c'était avant des hippies, puis ça s'est criminalisé, et maintenant il y a un peu des zones de non-droit où les flics ne vont même plus, où il y a des milices en quad. C'est le 93. Non, mais genre, il y a des milices en quad qui armées avec des fusils dans le dos, et les flics. Sont au courant et enfin c'est assez fou quoi et c'est vraiment fascinant quoi, il y a des histoires de dingue dans ces montagnes quoi, donc je vous conseille. Et ben voilà, là beaucoup de listes et tant mieux parce qu'en fait on va pas y avoir de floodcast tout de suite parce que je pars un petit peu à l'étranger et donc du coup voilà, je suis une belle merde. Donc voilà, d'autres épisodes arriveront, on va en reprendre quelques. Enfin moi je vais faire des floodcasts tout seul chez moi. Mais en gros et c'est pour ça d'ailleurs on va donner ton adresse immédiatement. Ouais, non mais je vais les enregistrer. Ah je vais pardon, excuse-moi, je croyais que tu voulais que les gens viennent chez toi. Non, ça surtout pas. Mais voilà, enfin en vrai c'est peut-être 2-3 semaines de pause, pas plus, on va reprendre en juin tranquillement. Et puis c'est une saison vraiment riche hein, de floodcast. On n'a jamais eu autant là, je crois. Vraiment, on est pas dégueu. Hein. Donc un peu gonflé de ce plein. En plus, je fais un truc un peu de youtubeur, d'attendre qu'on te critique beaucoup. Alors attention, parce que je les attends, les commentaires. Vraiment, ça va arriver. En tout cas, il y aura d'autres épisodes en juin, et peut-être même un peu en juillet. Daniel. Enfin, Daniel faisait beaucoup ça. Et après, il a fait bon, allez, niquez-vous, j'arrête. Vous m'avez saoulé. Dernier petit tour de table. Donc, Luciole, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Sur Twitter, essentiellement. Voilà. Toujours. La chaîne de, tu Lucas. Tu le dis avec tellement de joie. Non, mais sur la chaîne de Lucas, toujours, sur laquelle tu travailles aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Et il y a aussi ma BD qui sort dans 2 semaines. Ah bah voilà. Mais donc, genre, c'est une petite info. Non, mais c'est vrai que c'était pas la peine d'en parler. J'ai pas encore le droit de dire trop de c'est quoi, c'est qui, c'est juste. Ah, deux semaines, quand même. Bah ouais, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est sur papier? Attendez, l'idée c'est qu'elle peut pas en parler. On peut en parler nous après, c'est ça qui est cool. C'est une blague qu'il faisait. Parce qu'elle a dit que c'était une BD, tu vois. Pardon, je demandais des détails qui étaient pas c'était des détails. Pas, c'était pas moi, c'était ouais. le Grumpy Cat. Est-ce qu'il y aurait une couverture dessus? C'est possible. Mais je la lâche pas tant que vous rirez pas. Parce qu'il y a des bulles, des textes. À Slack? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors en ce moment, je produis un jeu pour la chaîne de Red Bull France qui s'appelle Red Binks. Et le jeu s'appelle Rap Jeu. C'est un jeu sur le hip-hop présenté par Mehdi Maizi. Bah bien sûr! Envoie la sauce! Exactement, qui est un type formidable. Et là, c'est le deuxième numéro qui est sorti la semaine dernière avec Kobalade et Alonso. C'est un très bon démarrage. Nous sommes déjà à presque 800 000 vues. Oh. Pas mal! Oui, c'est beaucoup. Donc je vous invite à tous aller vous précipiter voir Rap Jeu. On va progresser au fur et à mesure de l'année et je pense que ça va être vraiment intéressant. Bien. Voilà. Très très cool. Bah, je savais pas déjà. Le représentant du vrai hip-hop, est-ce que c'est validé? Bien sûr. Enfin, je vais regarder, mais bon, oui, il y a le rap dedans, ça me plaît, ça. Le rap. Hakim, donc l'actu, le spectacle toujours. Ouais, le spectacle jusqu'au 30 juin. Et dimanche et lundi. Dimanche, lundi, 20h. Au Beau Saint-Martin. Au Beau Saint-Martin, près de République. Exactement. Ouais. Et les deux prochaines vidéos à sortir sur la chaîne YouTube. Et puis après, je me ferai un peu plus discret. Bien sûr. Ouais. Adrien, toi, donc, Phantom Force normalement. Phantom Force dans la semaine, et si vous souhaitez me voir jouer au basket, ce qui est peu probable, il y a la vidéo de la dernière vidéo de Pierre Cross qui a organisé un All-Star Game entre guillemets avec des gens plus ou moins connus, comme je disais, ça va de moi à Orelsan pour avoir en termes de prisme, en termes de célébrité. Et quand même le même cercle à peu près. Voilà, oui, le hip-hop bien sûr. Non, mais il n'y a pas que des rappeurs comme nous, il y a aussi des gens. Non, il y a Kian Kojandi, il y a Pierre Cross, il y a Wax, il y a d'autres gens. Arnold Schwarzenegger. Ouais, il y a Schwarzenegger, ouais, Joker. Le Grand Picat. Voilà. Voilà. Mais il est mort. Non, il joue basket. Mais à l'époque, il était encore vivant. Ouais, non, je prends envie. Avec mes riffs et tout, ça m'amuse. et voilà, et du coup c'est filmé, il y a 45 minutes de match je crois qui est monté, un peu monté et commenté, voilà, bon bah c'est ça mange pas de pain. Hélas, ma seule actu d'avoir joué au basket. C'est pas pour non, le projet est vraiment très cool. Ouais. C'est un peu triste quand t'es un professionnel. Attends, t'as 26 minutes de Phantom Force qui arrive. Oui, attends, ça va, ça va. Et c'est incroyable d'ailleurs. Et c'est vraiment très bien. Bah, enfin, c'est gentil. Et d'ailleurs, ne hypez pas trop. Parce non, il y a eu des questions. Alors, je pense pas qu'on fera un spécial Phantom Force comme on n'a pas fait un spécial Eglandine. En revanche, quand vous l'aurez vu, préparez toutes vos questions parce que là, pour le coup, Adrien sera ravi de vous répondre sur ce sujet. Non, donc, mais oui, puis je ferai peut-être un live. Un truc que t'avais fait à l'époque chez Golden, qui était les commentaires audio avec Vincent. Oui, vous l'aviez fait sur le cadeau, je crois. Le cadeau. Oui, exact. Et bah, ça, c'était vraiment cool. Bah, oui, c'était une vidéo que vous ne pouvez plus jamais revoir, malheureusement, parce qu'elle a sauté du site. Ah bon ? Ah oui, exact. C'est comme les vidéos du lab. Oui, alors, bah, j'en profite tant qu'on y est. Les vidéos du lab et les making-of, on m'a dit, mais c'est plus Jean-Claude Moustache. Et bah, non, en fait, on a appris un peu comme vous que voilà, ça avait sauté du site. Les séries aussi. Ouais, et tout ça, oui, il y avait 8 et les originaux. Voilà, tout ça a sauté pour. Parce que Golden Moustache l'a vendu à Pickle TV. Voilà. C'est donc ça. On l'a appris un peu en même temps que vous. On va pas s'étendre sur le après, sujet. Après, bon, qui n'est pas abonné à Pickle TV quoi. Enfin, voilà, si vous voulez les voir, c'est ici. Mais voilà, même nous, on n'y a pas accès. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Et puis, bah, des gros bisous. Bisous, ciao. Bisous, bye. Grand Picat, m'entends-tu là-haut dans le ciel ? J'entends ta chanson, Grumpy Cat. Je suis un Grumpy Cat, un chat qui fait la tête. Je regarde dans ma gamelle, il n'y a plus de croquettes. Je regarde dans ma litière, waouh, elle est pleine de merde. Tu es sur ta planète, Grumpy Cat. Personne l'a changé, ça va m'énerver. Je vais faire mes griffes sur le canapé. Oui, j'en ai marre, oui, j'en ai ma claque. Me parlez pas de chien, ça me rend pas traque. Je suis un Grumpy Cat. C'est un Grumpy Cat. Je rejoins Aznavour. Tu aimes les petits fours. Moi je préférerais que l'on fasse l'amour. Que l'on fasse l'amour. Je veux faire l'amour avec toi, Grumpy Cat et Aznavour. Oui, qu'on fasse l'amour. Je veux connaître le goût de l'Arménie, Grumpy Cat et Aznavour. Au revoir monsieur. Passe une bonne soirée. À très bientôt. Petite question, qu'as-tu vu hier à la télévision ? C'est pour un sondage médiamétrique.